Personnellement, t'as un titre supplémentaire qui nous rappelle que la vie chrétienne est une vie de combat. Et parlant de combat, on s'adresse aux soldats. C'est un titre qui nous rappelle qu'une fois de plus, tout à l'heure, nous avons chanté le cantique numéro 204, pas épais, où on nous rappelait encore qu'il fallait combattre. Combattre, revêtons notre armure et combattons en vainqueur. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. Revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Le cœur de l'entité nous rappelle que nous sommes, que le Seigneur nous a dit, combattez encore. Comment allons-nous combattre? D'accord, on va prendre Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Le Seigneur dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et le plus méchant dans les lieux célestes. Il faut avoir la vérité pour ceinture, le casque du salut, avoir nos pieds, les chaussures que dans le ciel de l'évangile. Alors si ne se réalise pas cette mauvaise promesse du Seigneur qui dit que, qui nous promet le Saint-Esprit, comment allons-nous réellement combattre? Car les ténèbres ont déjà bien envahi la terre avec tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Bien aimé, nous avons vraiment besoin d'être édités. Nous avons vraiment de la promesse du Seigneur. Il a une fois de plus rappelé dans Acte 1, verset 8. Mais c'est ça qui a permis à l'Église de pouvoir vaincre dans ces multiples combats. Cantique 241. Cantique numéro 241. C'est pas le signe. Cantique numéro 241, mon Dieu, c'est pas de toi. Soutiens ma foi. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. On attend beaucoup de témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir et bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va? Laisse tout passionner les gens. Levez-vous. Allez. Que ça te mène, d'accord? Que ça te bénisse, mon cher. Qui a fait papa sur la voie dehors? C'est toi, hein? Ça va, le frère Dany? C'est comment? Que Dieu vous bénisse. Il y a le président qui s'est assis là-bas. Dieu te bénisse. On a beaucoup à poser. Oui. Que ça te bénisse. Que ça te bénisse. Ça va? Que ça vous bénisse. Harry Stan, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ça va? Vous avez bien commencé le cours. C'est loin. Tu es content, n'est-ce pas? La sœur Adelaïde, que le Seigneur te bénisse. Comment tu souris comme ça? Madame Taï. Que Dieu te bénisse. Ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment vous allez vous faire? Je vais lui parler une question ici. Je ne sais pas si elle a été répondue déjà. Sinon, on commence par là. Avant d'avancer. Cette question, si on a déjà répondu, je l'ai prise ici. Il y a quelqu'un qui a écrit ici deux questions. D'après la Bible, est-ce que si un frère demande la main d'une sœur en mariage, elle devrait prier pour savoir la volonté de Dieu? Et si le frère en question est dans une dénomination, peut-on conseiller à la sœur d'accepter vu la doctrine qui y est prêchée? Ça, c'est des questions intéressantes. Pas vrai? Quelle est concrètement, de ça c'est la deuxième question là maintenant, quelle est concrètement la différence entre un apôtre et un prophète? Bon, ici c'est facile. L'autre commence par A, l'autre commence par B. C'est concret ça. Volet 2. Est-ce que comme pour un prophète, un apôtre sait aussi depuis l'enfance qu'il est apôtre? Sinon, oui. Comment prouver ça scripturairement? Amen. Des bonnes questions. Avant qu'on les examine, comment vous vous sentez? Comment vous allez? Après que Dieu nous soutient, et on va bien. Je vais bien. Vous m'avez manqué. Je vais me rendre que nous aussi. La rhétorique est évidente, n'est-ce pas? Ou si vous voulez enregistrer, mettez, vérifiez que vous avez mis sur mode avion. Les questions, si on doit les observer, on doit les répondre, tout là, c'est intéressant. Si quelqu'un a l'enregistrement, si vous êtes à distance, ça ne serait pas fort. Vous les mettez ici. Pour que quand les choses sont dites, souvenez-vous que vous ayez mis en mode avion pour que ça ne sonne pas. Et si vous allez ici à l'intérieur, vérifiez que votre téléphone soit fermé pour que ça ne nous interrompe pas quand nous allons travailler. Vous êtes à l'aise? Donc, le mois d'octobre, nous serons du côté de Gabon, de Libreville. On va aller à Libreville. Donc, vous également priez pour ceux de Libreville. Et au retour, peut-être, si Dieu le permet, on sera en Afrique du Sud. Peut-être, si Dieu le permet. Bon, donc, c'est Libreville déjà qui est devant. D'accord? Amen. Vous priez seulement. Mais avant, cela avait dit quelques petites choses. Je ne sais pas s'il faut parler de ces pays-ci encore. Ça reste aussi, ma soeur. Ok. Donc, durant la semaine du 22 au 27, suivez les jours, le 23 et le 24, dans la prière et le jeûne. Il parle de ce mois de septembre, ci. Dans l'intervalle du 22 au 27. Donc, dans cet intervalle-là, prenez 3 jours à sec et que le jour du 23 soit le dernier. D'accord? Le 23 soit le dernier. Oui. Donc vous allez entrer dans cet intervalle-là comme ça. Bon, c'est vrai, on dit, souvenez-vous, n'allez pas sortir, dites ce que je n'ai pas dit. Et si vous entendez sa voix, maintenant là, ça vous concerne. Si vous entendez cela et que septembre est passé, ça ne vous concerne pas du tout. Donc, je dis 23 septembre 2017. Ces jours-là. 23, 24, ces jours. Ça veut dire 3 jours plein à sec, n'est-ce pas, frère? Sans manger, sans boire. Moi, à votre place, ces 3 jours particulièrement, j'éteindrai les téléphones, je resterai dans la présence du Seigneur en lui disant, Seigneur, je m'attends à toi, tout simplement. Quand vous aurez noté, comme vous allez le noter, je vais vous dire quelque chose concernant cet événement-là. Vous voyez, c'est une chose que j'observe, c'est tellement difficile. Je suis allé chercher comment placer pour que ça soit compréhensible sans heurter, ça soit compréhensible, soit choqué, soit vous faire peur. Donc, il faut que je choisisse les mots délicatement. Donc, vous avez noté, n'est-ce pas, cet intervalle-là. Donc, si vous prenez votre 3 jours, ça veut dire forcément le 23, c'est un samedi. Ça veut dire que votre troisième jour, c'est samedi. Le troisième jour de votre jeûne tombe samedi. Donc, vous comptez 2 jours plus tôt, vous commencez, et que le troisième jour tombe ces jours-là. Restez dans la présence du Seigneur. Dites, Seigneur, je m'attends seulement à toi. Travaille dans la prière. Je ne vais pas en dire plus dans ce domaine-là. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est en relation. Dès qu'on est rentré, je me suis retiré pour prier. J'ai vu un phénomène qui contraint. J'étais en Israël, à Jérusalem particulièrement. J'ai vu quelque chose dont c'est comme si toute la terre était réunie à Jérusalem. Je ne peux pas savoir comment vous expliquer ceci. C'est comme si toute la terre était réunie à Jérusalem. Et tous, vous savez, quand si vous êtes dans un stade, Il y a des gens de ce côté-ci, de ce côté-ci, de ce côté-ci. Il y a un objet d'adoration au milieu. C'est-à-dire ce qui attire l'attention. C'est-à-dire que les regards sont fixés sur cette chose-là. Tellement il y avait la foule qui avait le regard fixé sur quelque chose. J'ai dit, si, c'est en Israël que ça se trouve. Si, ce que j'en ai parlé, c'est en rapport de tout ce que je viens de dire là concernant septembre. Alors, j'ai remarqué que les gens, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des flashs de lumière. Vous savez, quand vous êtes dans un trou, il y a des flashs qui sortent de temps en temps, des choses qui brillent. Mais les gens étaient attentifs à une chose qui devait se passer. J'ai posé la question, j'étais loin et je parcourais là pour voir, c'est-à-dire je voyais les réactions des gens. Mais mon attention était là, je dis, qu'est-ce que ces gens sont en train de regarder là-bas? Qu'est-ce qui attire l'attention? Qu'est-ce qui mobilise? Pourquoi les gens sont ici, rassemblés ici tout autour? J'observais. Et au fur et à mesure, écoutez très attentivement maintenant, vous savez, le stade, si vous êtes dans un stade de foot, ça c'est pas le stade, il vous montre la façon, le crowd. La foule. La façon que la foule est versée, c'est partout. Mais l'état enseigne que c'est comme si c'était circulaire. Au point où, normalement, il y a un centre, quelque chose qui donne qui attire l'adoration là. Il devrait être là. Mais au fur et à mesure que j'approchais de la foule, j'ai remarqué que il n'y a pas de vide là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace réservé à quelque chose là-bas. Maintenant, écoutez très attentivement. J'ai remarqué, particulièrement, comme on a les portables maintenant et autres là-bas, les écrans, il y a des gens qui mettaient l'écran comme ça, vous savez, les grands écrans, et puis ils zoomaient. Mais j'étais curieux de savoir ce à quoi les gens étaient attentifs. Mais ici, c'est l'adoration. Subitement, une femme est sortie, donc c'est une femme dont il était question. Une femme est apparue là-bas. Une femme. Pas une femme normalement comme une femme. Mais c'est une femme. Elle n'a pas l'habit conventionnel que nous avons ici. Celle-là, maintenant, je ne sais pas comment vous décrire cela. Donc, je ne sais pas comment, franchement, je ne sais pas comment vous décrire. Mais c'est une femme. Ça veut dire que, en fin de compte, j'ai vu que ce qui réunissait là-bas, c'est une femme. Cette femme était puissante. Et elle traversait là-bas, mais son pied n'était pas sur ce... Elle était là, c'était là comme ça, ça pendait, l'image était là devant moi. J'ai compris donc que l'objet d'adoration, là, c'est celle-là. Mais tout le monde était attentif. Et il y avait un calme du cimetière. On ne faisait pas de bruit, c'est pas le genre de choses qu'on fait de bruit. Les gens étaient tout ce moment-là. Les gens prenaient les portables comme ça, ils faisaient... Et puis là, je pouvais, étant derrière lui, je voyais ce qu'il faisait zoomer, mais je ne voyais pas l'image de cette personne-là qui était dessus. Donc, Jérusalem. Donc, c'est une femme. Il dit, la femme, il n'y a pas de style, le style d'habit, ce n'est ni en blanc. C'est pas comme je vous dis que c'est une femme qui était avec la gloire, entourée, non. Mais ce qui était là, c'est que j'ai remarqué que il y a des jets de lumière, ça scintillait d'elle comme ça. D'elle. Ça attire l'attention. Elle ne faisait pas de bruit, elle était tout simplement là comme ça, mais elle attirait l'attention. Et là, il y avait des couronnes sur elle. Le style d'habit qu'elle avait, ça n'a rien à voir avec le tissu, ni avec les formes du coton, n'importe quoi. Même la forme, ce n'est pas notre style d'habit, mais c'est une femme quand même. Quelque chose dont on se prépare pour Israël. Mais quelle est l'implication pour l'Église? Parce que souvenez-vous, on doit tirer les comparaisons par rapport à l'Église. Vous vous souvenez de la parabole du Seigneur, n'est-ce pas? Donc quelque chose se prépare pour Israël. Nous vivons des temps délicats. Nous vivons le temps délicat. Des temps extrêmement délicats pour l'humanité. Et quelque chose se prépare sur le plan universel qui va secouer le monde. Donc tout le monde sera au courant. Vous vous souvenez, en début d'année, je ne sais pas à quel moment, dans un autre enseignement ici, je me suis tenu ici et dit, ce sera des variations de part et d'autre. Dans un endroit, on va entendre le feu. Dans un endroit, on va entendre l'inondation. C'est-à-dire qu'il y aura un déséquilibre sur le plan, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Donc, pendant que d'autres vont te dire, comment on fait pour arrêter cette eau-ci? On se rend dit quelque part, comment on fait pour arrêter ce soleil-ci? Que cette variation, ça va bousculer, n'est-ce pas? Et Dieu fait comme ça pour attirer l'attention sur la terre. Vous vous souvenez quand je parlais de ça ici? Un de ces jours, je me suis tenu, j'ai parlé de l'explosion au Cameroun. Vous vous souvenez? Regardez cela. J'ai fait chaque fois justement pour vous remémorer que l'explosion au Cameroun. J'ai dit ceci. je regarde un endroit, des gens sont réunis et puis subitement, il y a écroulement. Des gens sont réunis. Des gens sont réunis autour de quelque chose qui fait l'objet de leur adoration. Leur cœur est là-bas et subitement, il y a écroulement. Quelque chose se passe et que les gens sont morts. Et là, les gens sont vraiment morts. Ça, c'est au Cameroun. Donc, au-dessus de nous, ça c'est bagarre. Prions donc pour le Cameroun. D'accord, frère? Ça, c'est pour le Cameroun, je parle. Il y a des événements, je crois que ces choses-là, je n'en parlerai plus, c'est fatigant. Donc, prions pour le pays concernant ces choses-là. Un de ceux, je vais dire, je vais parler de l'âme des premiers ministres ici. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Un de ceux, je l'ai dit, Dieu est en train de faire un balayage de l'ancienne génération. Que Dieu veut balayer, n'est-ce pas, frère? Il fait comme ça pour vous remémorer tout simplement. Donc, il y aura un changement. D'accord? Il y aura un changement. Il y aura un changement. Donc, préparez-vous au changement. Mais cette affaire-ci, ce que j'ai raconté sur l'adoration de cette femme-ci, donc Israël, ça a une implication. Ça a une implication. Donc cette femme-ci, souvenez-vous, il dit, je me trouve à Jérusalem. Donc c'est Jérusalem dont il est question. Il est question d'Israël. Ceci concerne Israël. Mais la question c'est, si toute l'attention est en Israël, qu'est-ce qui se passe avec l'Église? Donc des choses seront observées, des choses seront faites, mais pas pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc prions, priez pour ceux du Gabon. Ceux du Gabon qui vont, je crois que le mois d'octobre, rien ne sera. Si vous n'avez pas de questions, je prends les questions si on commence par ici. Avez-vous des questions, frère? Oui, frère. Oui. Question sur. Il me demande que le seul frère me demande question sur. Il me demande la question sur. Oui, frère, j'aimerais savoir si d'après Actes chapitre 27, le verset 23, il y a un ange du Seigneur à qui appartient l'enfant de Dieu. Pose la question véritablement. Ben, je veux savoir si d'après Actes chapitre 27. Lis d'abord. Donc, il faut allumer. Voilà. Actes des Apôtres chapitre 27. Attends, ça va. Actes chapitre 27. Donc notre frère dit que un ange du Seigneur auquel j'appartiens, d'accord? Allons-y, lisons. Partie du verset 23. Un ange du Seigneur. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Pose ta question, mon frère. Oui, frère, je veux savoir si cela a été uniquement pour le cas de l'apôtre Paul ou bien cela concerne chaque enfant de Dieu. Cela dit quoi? Cela dit, en fait, est-ce que chaque enfant de Dieu appartient à un ange du Seigneur? Appartient à un ange du Seigneur, c'est-à-dire quoi? Est-ce que ce qui est dit là-bas? Appartient à Dieu. Relis toi-même ce qui est écrit là-bas. Vous savez, chacun lit, il comprend ce qu'il vient de comprendre, pourtant c'est pas ce qui est écrit. Allons-y, lisons. Attends, lis encore, verset 22. Commençons par verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il justifie maintenant, là maintenant, il justifie. Parce qu'il n'a pas besoin de citer l'ange. C'est pas pour ceux qui étaient sur le bateau qu'il allait le dire, ça c'est pour toi et moi, que nous sommes allés lire ça maintenant. Ce sont des révélations de Dieu. Ceux qui sont sur le bateau, ils sont dans le désordre. On n'a même pas le temps d'entendre ce que l'ange a dit, quoi que ce soit. C'est pour nous qui sommes, que cela a été mis comme ça. Alors? Et il n'y aura de perte que celle du navire. Mm-hmm. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Stop. Et qui... Il a dit qu'il appartient à l'ange, mais il appartient à Dieu. Est-ce que ta question dans ce cas a le sens? Donc, en fait, la question pourrait poser ça. C'est une bonne question. Il y a une bonne question dans ta question. Si tu poses la bonne question, je réponds à la bonne réponse. Bon, si tu ne poses pas la bonne question, ça n'y a pas de bonne réponse. Donc, dans cette phrase-là, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il appartient à l'ange. Il dit, Dieu, à qui j'appartiens, cet ange-là est venu à mon service. D'accord? Il appartient à Dieu. L'ange qu'il sert, le Dieu qu'il sert, Dieu, il appartient à Dieu. Et Dieu donc a envoyé cet ange-là, c'est ce qu'il a dit. Des questions? Oui, frère. Oui. J'ai ma question dans Jean. Comment tu portes tes raisons? Tu es nerveux comme ça là. J'ai ma question. J'allais me relever une série de questions avant. Y a-t-il durant ce moment, s'il est un jour qui est férié, pendant ce moment de ce temps? Comme c'est déjà passé, c'est pour ça qu'il n'a pas posé la question dans le passé. C'est ça qu'il pose la question. Durant ce moment-ci. Matin et dimanche. Ok, donc pose la question, mon frère. Sentez-vous à l'aise, posez toutes les questions que vous avez, d'accord? Le Seigneur dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 14, bon, je vais directement au verset 26, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Je me pose maintenant la question. Dans le cadre de mes interventions ici à l'Assemblée, oui. Je pose la question de savoir qu'est-ce qui peut réellement m'encourager à pouvoir faire office de conducteur alors que le Seigneur a déjà mis comme préalable cette promesse-ci. Bonne question. Je pose la question d'abord. Qu'est-ce qui peut te galvaniser et te pousser à lire la Bible? J'ai dit au Seigneur depuis là, ça s'est emporté. Mais qui en est de faire cela? Je vais reprendre le parlement, le Seigneur. La question pose encore une fois de plus la problématique. Comment savoir que quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit? Comment savoir que quelqu'un est dirigé par le Saint-Esprit? Généralement, voici ce qui se passe. C'est si on prophétise que vous pouvez savoir que ça peut être le Saint-Esprit qui en est de parler. Pas vrai? Si on a le prix pour quelqu'un et que la personne dit waouh, j'ai senti quelque chose bien passé, vous savez que là on a pris le Saint-Esprit à agir. Mais s'il en est de parler, est-ce que vous pouvez savoir quand c'est lui qui parle? Est-ce que vous pouvez savoir? Quand dans le livre de Actes, au chapitre 7, quand Étienne s'est tenu là-bas, il a commencé à brosser la Bible. Qui parlait? Mais parce que vous le lisez là-bas. Si vous fermez la Bible, quelqu'un se tient de vous, il parle. Vous allez dire donc quoi? Parce que vous lisez la Bible, puisqu'on a dit que Étienne, plein de l'esprit, se tenant devant le Sanhédrin, il dit homme au cou roide, jusqu'à quand de tenterez-vous le Seigneur? Aucun des prophètes n'avez-vous pas tué? Vous voyez, on dit que le Sanhédrin, il a fixé les yeux sur lui, vit son visage comme celui d'un ange. N'est-ce pas, frère? Parce que vous avez vu le renseignement. Fermez donc la Bible, fermez vos Bibles. Bon, maintenant, nous sommes dans ce même contexte-là maintenant, d'accord? Nous sommes dans ce même contexte. Ceux qui étaient là devant n'avaient pas de Bible avec eux. Ceux qui étaient devant. Il dit, Étienne se tient debout comme ça. Vous voyez? Bon, pendant que j'en ai parlé, quelqu'un ouvre la porte, toute l'attention est là-bas. Donc le Saint-Esprit parle sur la porte là maintenant. Alors, Étienne est devant une assemblée. Étienne, le frère Étienne, dans HP 7, j'en ai parlé de HP 7 là. Étienne est devant une assemblée. Les gens sont assis, ils n'ont pas de Bible comme vous avez. Pas vrai? Il est en train de parler. Plus tard, le docteur Luc prend sa plume pour écrire l'événement, pour relater l'événement. C'est lui qui dit que Étienne, plein d'esprit. Ceux qui étaient assis là-bas ne savaient pas que Étienne était plein d'esprit. C'est le compte rendu que le Saint-Esprit donne par la plume de Philippe, de Luc. Quand Luc est en train d'écrire, il dit Étienne, rempli de l'esprit, fixa les regards sur la foule et dit, il a commencé à réciter la Bible, pas vrai? Alors, il dit bien, c'est le compte rendu de. Quand Luc est en train d'écrire, c'est lui qui dit qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont assis là, quand ils écoutent à parler, puis vous connaissez le résultat. Ils ont dit ôtez de la terre un tel homme. Et ils entendaient qui? Étienne. Ils entendaient Étienne. Pas vrai? Mais qui parlait? Mais c'est le Saint-Esprit qui a dit à Luc que c'était lui qui parlait au travers d'Étienne. D'Étienne. Alors maintenant, ceux qui étaient assis ne pouvaient pas savoir que c'était le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont dit, ôte de la terre un cet homme, parce qu'il est en train de dire des choses qui ne s'en ressemblent pas, ça ne marche pas dans nos têtes. Alors, comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui parle? Donc, faites attention. Donc, faites attention, d'accord? Regardez comment la chose se passe. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, lorsque les gens ont commencé à tituber là-bas sous la puissance du Saint-Esprit, les gens ont commencé à dire que ces gens, ils sont ivres. Il a dit que non, c'est la 9e heure. Ils ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, je verserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et des visions. N'est-ce pas? Après qu'il lui dit cela, il se tient là debout. La Bible déclare que les gens qui ont entendu ce discours, il leur a dit beaucoup d'autres choses. Je dis qu'ils eurent le cœur vivement. Je dis, homme, frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Qui en a de parler? Quand ils ont dit, que ferons-nous? À cet instant, Dieu a explicité sa volonté parfaite au travers de sa voix. Imprimer cela sur la page de la Bible où ça devient un commandement. Mais quand il a parlé, comme ça il a fini les sorties, est-ce que les gens savaient que c'est le Saint-Esprit qui parlait? Est-ce que les gens savaient que c'est Dieu qui parlait au travers de lui? Sa voix a-t-elle changé pour dire que... Bah, repentez-vous! Non. Pourquoi on dit, hey, la façon qui grogne là, c'est... Tu as entendu que sa voix a changé, non? C'est pas ça, c'est pas... Ah, doucement, j'ai la chair d'épaule. Dieu veut parler. Aïe, aïe, aïe, je me sens plus mon corps. C'est depuis moi, hein? La prophétie. L'esprit de prophétie. C'est que l'icône de la délivrance. N'est-ce pas, mes frères? Nous sommes d'accord. Alors, donc, il faut faire attention, il faut prêter attention. Comme l'apôtre Paul a dit dans ce livre de Actes, chapitre 13, il dit que faites attention que ce qui nous arrive, comme a dit le prophète, voyez, contemplant est passé. Donc vous pouvez être près de lui, mais être tellement éloigné. Parce qu'il le fera tout simplement. Je crois en Côte d'Ivoire, je t'en ai parlé au milieu de la foule, alors que ça vociférait partout. Il posait la question, il dit, parce qu'il y a un homme qui a parlé, et puis il est sorti. Il ne fallait pas l'inviter, il dit non, laissez-le tranquille. Il y en avait plusieurs groupes là-bas. Et pendant que je parlais pour sonder, pour savoir qu'est-ce qui l'anime, quand j'ai détecté l'esprit qui l'animait, quand il est parti, il dit à la foule que lui, il a l'esprit de l'enfant. Enfin, je vais d'abord commencer à poser la question, avez-vous prié pour lui? Il dit oui. Vous avez prié, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il est en ici. Parce qu'il ne veut pas comprendre. Ne vous attelez pas à comprendre que vous allez dire la vérité à quelqu'un, il va comprendre. La vérité ne c'est pas pour tout le monde. Encore quand quelqu'un est captif, expliquez ce que vous voulez. Il va dire oui, ce que tu dis là est vrai. Après, il dit mais. Le mais là, on dit c'est quand il ajoute bien le diable. C'est le diable, le don, c'est le diable qui l'a captivé. Le diable n'a pas besoin de te captiver pour que tu puisses vivre dans le péché. Tu peux seulement faire à ce que tu n'acceptes pas la vérité, tu es dans son filet. Souvenez-vous de 2 Timothée chapitre 2, versets 23 à 26. Il dit qu'il faut qu'un serviteur de Dieu n'ait point de querelle, mais il doit au contraire redresser avec condescendance les adversaires dans l'optique que, dans l'espérance que Dieu leur accordera la repentance, n'est-ce pas? Dieu leur donnera la repentance. Il faut que Dieu leur donne la repentance afin que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges de Satan. C'est pas ça, frère? Donc, Satan, le diable les a captivés pour les soumettre à sa volonté. Donc, il y a des gens qui sont possédés au plus haut niveau, ne manifestant pas le fruit démoniaque des... Non. Il y a des possédés, il dit bien les possédés, dont il faut détacher leur pensée par la parole de vérité. Ça, le niveau de possession est plus terrible que celui qui a la possession et qui ne manifeste pas les gestes négatifs. Vous comprenez? Là, c'est ce que le Seigneur dit par là, vous connaîtrez la vérité, ça vous affranchira. C'est ce niveau-ci. Les démons qu'on prie, sort de son corps, il dit, ah, il ne veut pas sortir. Quand il dit, il ne veut pas sortir, c'est parce qu'il sait qu'il va sortir. C'est le plus facile ici. Le plus difficile, c'est celui-là, qui se tient là. Tu prononces une parole de l'Écriture, il te prononce une autre parole pour contrôler cette parole. Vous comprenez ce que le Seigneur dit? Ah, que non, quand tu crois, tu as le baptême du Saint-Esprit, automatiquement. Ah. quand tu es rempli le Saint-Esprit, tu baptises le Saint-Esprit. Hein? Quelque chose ne va pas. Donc Satan prend, tu les as compris, en sont pour captiver les gens. Parce qu'en fait, il sait que tant que tu n'es pas dans la vérité, tu marches avec lui. Vous avez mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas là? Ok. Oui. Oui, frère. Oui, la question, posez la question pour que les gens de l'assemblée plus, tout le monde, l'assemblée plus en être au courant. Oui, la question la suivante est, est-ce que ça me concerne plus? C'est quand j'ai cru, parce que je vivais le moment très difficile dans ma vie, où même ma femme tout le monde était parti et tout, j'étais dans le désordre absolu. Bon, j'étais un peu comme errant. Bon, j'ai dit, Seigneur, toi, tu connais la vérité dans ma vie, toute ma femme, tu veux que je sois. Bon. Il y a eu un homme qui vient vers moi, qui est serviteur de Dieu, qui est apôtre, il m'a approché la parole de Dieu, m'a invité dans l'assemblée, je suis parti. Arrivé là-bas, j'ai écouté la parole de Dieu. Moi, je venais avec un but, parce que c'est que le nom de parole, je devais manger et entrer. Ouais, un peu. Donc tu partais manger? Oui, je partais dans mon esprit, c'est que je partais moi manger. Je vais avoir à manger. Qui t'a dit qu'il y aurait à manger? C'est le pasteur qui m'a dit ça. Que vient il y aura à manger? Non, que Dieu, n'est-ce pas? Il y a la faim, il y a la gap. Il y a la manger. Quand on est sur le pilote, avec l'esprit du monde que j'avais, oui. Je suis parti. Je me suis assis. J'ai écouté la parole. Parce que j'écoutais, tu disais que tu attends à la faim. Oui. J'ai fini maintenant, j'ai mangé. Oui. Après, quand je suis rentré, j'ai dit que qu'est-ce que tu m'as comme ça? Je vais parler d'enseignement, il faut écouter réellement ce que les gens là rencontrent là-bas. Mais la nourriture était bonne, frère. L'amitié est toujours bonne. Ok. Si pas bonne, c'est que je ne sais pas ce qu'il fait. Je suis parti, j'ai écouté les enseignements. J'ai écouté. J'ai été ravi. Moi, bon, après, je jamais venu à l'esprit de demander au pasteur que je veux me baptiser. Il m'a dit, ok, dimanche, on va aller au bout, pas tu fais, va te baptiser, va me baptiser. Oui. Quand il m'a baptisé, je suis sorti des eaux. Je suis rentré à la maison. C'était comme pour moi, comme si de rien. C'était passé. Donc c'était une journée bizarre pour moi. Mais après, j'étais un fumeur de cigarette. Oui. Déjà, que pour moi, c'est un paquet par jour. Oui. J'ai fumé. Alors et maintenant, un jour, un 4 matin, tellement j'ai tellement prié, les frères, laissez m'arrêter, mais en train de fumer. Et quand tu me dis que frère, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi. Moi, Dieu le meilleur. J'ai prié. Tout ce que le Seigneur m'a toujours dit, ma grâce est suffisante. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Je suis resté, c'est quand je me réveille. J'ai fait 3 jours en oubliant que j'étais un fumeur. Après ces 3 jours, je suis parti faire un chantier chez un de mes oncles, Zia Bonanjo. Il m'a payé 10 000 francs. L'envie de fumer m'a attrapé jusqu'à dire gros, comme ceci. Je suis parti acheter un Benson, chose que je ne fumais pas. Quand j'ai acheté ce Benson, j'ai tiré une fois, j'ai dit, oh, c'est bon. Tire un peu pas de ton corps est calme. Oui. Après maintenant, je vois le soleil commence à tourner. Le ciel qui m'a aplati, la terre qui m'a aplati, c'était la cigarette, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que j'ai fait 3 ans que je ne fume plus. Bon, après, comme je jouais beaucoup au jeu au hasard, c'est que chez moi, après, je suis parti à cause de cela. Bon. Donc, il est rationné, tu es allé, il dit que non, le cheval, s'il va entrer. Non, je jouais tout ce qu'on appelle le hasard, plus les 4. Oui. Ouais, un peu, non. Ouais. Parce que j'ai fait dans le forage. Quand un client me donnait un peu de l'argent, il partait tellement bouger là-bas. Bon, je suis parti. Un client, comme il faut se la misérer à ce moment, et qu'un client m'a donné un travail de 80 000 francs. J'avais déjà cru. Je pars, je prends l'argent, il me donne l'avance de 50 francs, il faut marcher, acheter le matériel. Elle est rentrée sur moi, je prends 30 500. Bon, je dis dans mon cœur que bon, je m'avais joué 500, je prends 500, je vais acheter 30 000. Une petite voix me dit que si tu pars, je vais te foirer cet argent en moins de 30 minutes. Je dis, ah, je vais comprendre la question. Je pars, je joue mon foie, c'est-à-dire en moins de 30 minutes. Quand je me lève, je sors. Il y a peu de clients, lui compose, il dit que ouais. Alors, tu le composes comment? C'est un verbe, frère. Dis, que non, je lui ai fait que je lui. Tu sais le tout, non? J'essaie de l'embrouiller, non? Bon, maintenant, il me dit que je vais monter 10 000 francs. Il dit, il me donne encore 25 000 francs. Il me dit avant même que je m'en vais me venger. Comme le gars m'a foiré, je vais me venger. L'esprit là me dit encore que je vais te montrer que c'est Dieu qui te parle. Je suis parti jouer. Il m'a fait la même manière que l'esprit m'a dit. Quand tu l'avais dit. Il ne revenait plus jamais un point de ici jouer au jeu au hasard. Quand je me tiens à debout, qu'est-ce que j'ai même parlé comme ça? Moi, quand on connaît là, quand je suis sorti de là, c'était tout ce qu'on appelle jeu au hasard. Je ne joue plus. Donc je demande, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est quel esprit qui m'a animé ce jour-là? Quand tu parlais, là, tu as dit que c'était Dieu qui t'avait parlé. Oui. Tu veux qu'il dise dans quoi? Non, c'est la question que je vous pose, non? Parce que même. Est-ce que tu parlais, c'était moi qui étais là? Récemment, oui. Récemment, ce qui m'arrive encore récemment, c'est il y a peut-être 3 semaines. Oui. Je suis resté seulement pour une question que. Parce que je suis quitté là où j'ai cru. Parce que les femmes avaient autorité et tout. Mmh. Ah, il faut savoir que. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça en Corinthiens 14 que je n'ai pas vraiment à la femme enseignée pour le prendre autorité de l'homme. Mmh. On me dit que ouais, frère, il y a connu Jésus, il y a 14 ans, je dis que. Bon, avec ma petite conscience que j'avais, j'ai dit ok, gloire à Dieu. J'ai accepté pour me débarrasser. Mais dans mon cœur, je n'étais pas convaincu. Mmh. Bon. Quand je suis sorti de là, je suis parti dans notre assemblée. Je me rends compte que là-bas, c'est autre chose. La femme ne prend pas autorité. Mais la question que je me suis posée il y a déjà 3 semaines, c'est que Seigneur, pourquoi tu n'arrives pas à mieux méditer ta parole? Il me répond que lis à partir des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Mm-hmm. Après, tu reprends la Genèse jusqu'à Apocalypse. Là, tu pourras savoir quelque chose que tu peux poser. Tu as déjà fait ça? Oui, c'est ce que je fais. Je suis maintenant à. Je te pose donc la question, qui te parlait? C'est ce que je dis, parce que Dieu me fait envoyer dans la Bible. Donc, tu penses, hein? Je crois. Hein? Il te montre par la Bible que Satan envoie les gens dans la Bible. Il sait qu'il envoie dans la Bible. Et comment tu penses donc qu'il me parle de toi? Je crois intérieurement. Ça veut dire que ta question n'a pas de sens pour me poser, parce que tu me poses la question que c'était qui faisait. Non, je veux vraiment savoir de quel esprit je suis animé à ce moment-là. C'est le moment de l'esprit de Dieu, c'est l'esprit. Qui t'a parlé? C'est l'esprit de Dieu. Bon, c'est quel esprit qui t'anime à ce moment-là? C'est l'esprit de Dieu. Amen. Des questions là, prenons. Oui. Oui, en fait, avant de poser la question, j'aimerais parler de la scène en fait qui s'est passée. C'est une sœur. Elle a une petite sœur. Et maintenant, il se pourrait qu'elle est allée dans une dénomination. Et sachant comment les dénominations fonctionnent, on a eu à lui donner les. Pour qu'elle invite sa petite soeur aussi. Et ce qu'elle a fait, en ce temps, sa petite soeur vivant avec elle. Bon, elles ont continué à y aller, à s'y rendre là. Et puis, bon, avec la mouvance qui s'y trouve, elle se rend compte que, d'après le témoignage que les pasteurs les donnent, c'est qu'elles sont chrétiennes. Et entre temps, donc, elle se rend compte donc qu'elle vivait, étant, bon, en fait, n'étant pas encore dans cette dénomination, elle vivait dans la fornication avec un garçon. Et puis, entre temps, dans cette dénomination, puisqu'elle avait, en fait, dans son cœur, elle pensait épouser le gars, elle pensait accepter le gars. Parce que le gars en question, lui, il n'était pas dans cette dénomination. Et dans la dénomination, on interdit aux sœurs de retourner dans le monde, d'après, entre guillemets, d'après selon ce qu'ils disent. Bon, et puis, elle maintenant, entre temps, elle se rend compte que le moment où elle vivait dans la fornication avec ce jeune homme, ils avaient contacté une alliance de sang. Donc, c'est-à-dire, elle s'était blessée la main. Et l'homme aussi, le gars s'est aussi blessé. Et ils ont léché le sang l'un comme de l'autre. Ce qui fait donc que, elle, ayant avancé dans cette dénomination, elle se rend donc compte qu'elle est liée par cela. Et elle se pose beaucoup de questions. Elle demande à sa sœur de l'aider. Sa sœur maintenant, étant donné qu'elle aussi, elle a connu la vérité, maintenant elle est quittée de cette dénomination. Et elle également, elle est trouvée, elle ne sait pas quel conseil donner à sa sœur. Et le gars en question avec qui elle vivait dans la communication, le gars, ses parents lui demandent d'épouser une femme. Lui, il dit qu'il ne peut épouser une autre femme que celle-là avec qui il avait contacté l'alliance. Et elle, de son côté, elle dit qu'elle aime le gars. Et entre-temps, maintenant, ce gars a eu affaire un enfant avec une autre fille dehors. Maintenant, où la fille se trouve, elle veut que le Seigneur l'aide. Elle ne sait pas comment elle doit faire pour sortir de cette. Donne-lui le numéro du Seigneur. Tu ne sais pas où il se trouve. Tu as dit qu'elle veut que le Seigneur l'aide, non? Oui, le Seigneur, lui, il est où? Et la sœur en question. Non, le Seigneur est où? Il est là. Où? Il est partout. Mm-hmm. Donc, dis-lui là où le Seigneur se trouve. Parce que là, elle a cherché le Seigneur. Pour que le Seigneur l'aide. Ton problème dedans, c'est quoi? C'est que sa grande sœur lui a dit qu'elle va en parler de ça avec les frères. Uh-huh. Pour que les frères essayent de l'aider. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire part de ça. Quand tu fais part de ça à qui? Aux frères. C'est les frères qui vont l'aider. Ouais. Bon, en fait, elle a besoin de la direction de Dieu. Vous voyez qu'il y a un problème avec les chrétiens, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a un problème avec les chrétiens. Bon, il dit, réponds à ma question, ton problème dedans, c'est quoi? En fait, mon problème, bon, je n'ai pas de problème. Mon problème dedans, c'est que, en fait... Donc, tu n'as pas de problème, ton problème dedans, c'est donc quoi? Ouais, c'est qu'elle m'a écrit. Oui. Elle m'a écrit, bon, sachant que j'ai l'habitude de l'exhorter. Elle m'a écrit me parlant de la situation de sa petite soeur. Oui, donc c'est pour cela que j'ai posé ça comme question. Bon, depuis qu'elle a écrit, qu'est-ce que tu leur as répondu? En fait, je lui ai dit que je devais prier. En fait, je devais prier et Dieu voulant, on devait batailler, on devait parler de ça. Oh, ok. Bon. Elle et moi. En fait, parce que depuis, elle m'a écrit tout avant-hier. Oui. Et j'ai eu le temps de lire. Après avoir lu, je lui ai fait comprendre que bon, restons en prière et puis ouais, Dieu le permet, c'est le bon. Ok, donc on attend ce volet-là, d'accord? C'est ce que tu lui as dit. Des questions? Non, pas de questions, des gens ont fini. Non, personne n'a fini, puisque vous avez des questions. Mon frère Son m'a dit la dernière fois que on a accumulé les questions ici. Il a dit, okay. Et il bouge seulement, et puis il avait l'attente que d'autres finissent d'abord pour lui. Au niveau de 1 Corinthiens. Oui. À autre, les autres. La question au niveau de 1 Corinthiens 8, à partir du verset 11. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 11, oui. Où on parlait du droit de prédicateur. Bon, ma question est la suivante. Pourquoi, et puis, ça prenait pour que je suis ici. Oui. Bon, la question est la suivante. Et pourquoi je ne vois pas qu'il y a une quête, qu'il n'y a pas une quête et tout. Parce que moi, je suis habitué que chaque fois qu'on se rassemble, il y a une quête pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, comme on dit souvent. Ok, entre temps, quand tu viens avec l'argent, là. Attends d'abord. Chaque fois que tu viens, il y a l'argent dans ta poche, là. Comme elle a dit, quand j'ai venu, il y a vu une, deux fois, il va revenir deux. Il va revenir dans ma poche. La question de savoir est. Oui. Quand j'ai lu. Ah, bah, les premières fois, attends. On a assassiné notre soirée, non? Oui. Les premières fois, quand tu es venu avec l'argent, ça dans ta poche. Ouais. Tu rentres avec. Je suis rentré avec. La deuxième fois, même chose. La troisième fois, tu as dit, ok, mon agence, au moins c'est bien là-bas. Non, c'est pas que c'est bien là-bas. Non, mais la question est bonne, bien positionnée, et c'est bien posé maintenant pourquoi on enseigne certaines choses, d'accord? Oui. Là, je te pose la question, les endroits où tu étais passé, là, tu as dû te poser la question, pourquoi ici, il n'y a pas de caisse pour la quête, oui. D'accord? Est-ce que là où tu étais, où il y avait la caisse pour la quête, tu as posé la question, pourquoi il y a la caisse pour la quête? Oui, j'ai posé. Qu'est-ce qu'on a dit? On m'a dit que c'est pour le pasteur. C'est comme il souffre beaucoup, comme il a un pied coupé. Il ne peut plus travailler. Subvenir aux besoins de sa famille, tant de temps. Bon. Et sa femme aussi, le petit truc qu'elle fait, ça ne bouge pas. Pas les deux bouts, parce qu'ils sont moins chacun dans la maison. Et donc, ici, donc, on a aussi jugé. On a jugé que comme j'ai deux pieds ici, deux mains, il n'y a pas besoin des quêtes. C'est ça? Non, c'est pas moi, c'est la question que je pose. Par rapport à ce que la photo politique n'a pas eu son droit de prédicateur. Les gens dans le chapitre 9, c'est plutôt chapitre 9, d'accord? 9, pardon. Oui. Allons-y maintenant, lisons. Prenons à partir du verset 9. Prenons le chapitre 9, lisons à partir du verset 9 en descendant. Vas-y, lis donc. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foulé avec espérance, dit avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ok, maintenant. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est amusant, maintenant, on va parler, d'accord? Et regarde le verset qui est plus haut. Regarde le verset qui est plus haut. Lise là, et puis tu fais un stop. Verset qui est plus haut, verset 13. Ne savez-vous pas que vous qui remplissez les fonctions sacrées sont nourris par... Non, regarde là-bas, c'est qui écrit là-bas. Il n'y a pas vous là-bas dans ce verset. Ne savez-vous... Non, pas l'autre passe là. Pas que ceux... Ceux. Pas que ceux... Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent... Ne... Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. C'est bon, on va le verser. Puis dit de même. De même, aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ok. Je veux que vous me dites, vous me montrez là où le Seigneur a dit cela. D'abord. Il faut que vous me montrez là. Et d'abord là où le Seigneur a dit. Et puis, on avance ce qu'il a en train de dire, l'apôtre Paul a en train de dire. Vous savez, on peut, il y a tout dans la Bible. On peut prendre la Bible pour arnaquer les gens n'importe comment. Au basique, au format basique. Il prend l'Ancien Testament pour essayer d'expliquer un principe spirituel d'abord. D'accord? Ouvrez Hébreux chapitre 13. Hébreux, le livre d'Hébreux chapitre 13. Vous êtes dans Hébreux chapitre 13. Le verset 10 dit quoi, papa? Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Donc c'est lui, mon cher. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Qu'est-ce qu'il venait de dire dans 1 Corinthiens 9 là? Et ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ici on dit quoi? Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Que vous ensemble donc. Que vous ensemble alors. Donc la première question que j'ai posée, c'était l'apôtre Paul dit là-bas dans 5 Corinthiens 9 là, il dit De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Donc, si tu prêches l'évangile, tu vis de l'évangile. N'est-ce pas? Alors, maintenant, comment est-ce que on vit de l'évangile? En haut, il nous explique quelque chose. Je veux toute votre attention maintenant. Plus haut, il nous explique quelque chose. Il dit, nous avons semé dans vos vies les biens quoi? Spirituels. Serait-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Si d'autres en jouissent de cela, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Puis il va maintenant dans l'Ancien Testament. Il dit qu'il est écrit, dans ce temps de Deutéronome chapitre 24 là, il dit qu'il est écrit, tu ne mesureras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Dieu prend-il en peine le bœuf ou bien parle-t-il uniquement à cause de nous? Il dit oui, c'est de nous que Dieu parlait dans Deutéronome en disant que lorsque vous savez les bœufs, on les attelait avec les choses là-bas, ils devaient fouler les grains, ils devaient marcher les grains. Il dit qu'en faisant cela, ne le mesurez pas, c'est-à-dire que n'arrêtez pas les bouches. Vous savez, on place les choses là, des cordes sur le bœuf, et on attache ça sur un truc là, ça tire le sillon ainsi de suite. Il dit, la façon d'irriguer avant. Il dit, quand tu vas faire ça, écoutez très attentivement. Ne fermez pas sa bouche, ne mesurez pas, ne fermez pas sa bouche. Parce qu'il faut qu'elle foule au grain, en travaillant, en mangeant quand même, pour qu'elle ne se fatigue pas. Donc, vous dites ça. Vous permettez donc que je parle. Donc il y a un premier d'abord, premier principe à savoir. C'est que les gens dont il est question ici doivent être envoyés pour prêcher et s'aimer le bien spirituel d'abord. C'est pour ça que les prédicateurs, vous voyez, chacun peut sortir de l'école théologie. Comme on l'a dit, il prend ça et dit que, ok, donner, parce que la Bible dit qu'on donne. Et quand tu donnes, tu dis que non, il donne à l'homme de Dieu. Et ici, il dit, nous avons semé dans vos vies les biens spirituels. Ce reste une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'abord qu'il fait. Maintenant, il dit ici, le Seigneur a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Je dis encore, où est-ce que le Seigneur a dit cela? Matthieu chapitre 10, merci beaucoup. Applaudissons pour le frère. Alors maintenant, comme vous avez applaudi, allons dans Matthieu chapitre 10, voir comment le Seigneur a dit cela, d'accord frère? Voilà. J'aime ça. J'aime votre promptitude à réagir avec les Écritures comme ça. Et vous remarquez que l'apôtre Paul cite un passage où il n'était pas là. Il n'était pas présent là, n'est-ce pas? Si vous y êtes, on prend à partir du verset 8. On va t'en occuper, lire. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez vu, c'est ces choses, si vous souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. Nous avons fait quoi? Aimer les biens spirituels. C'est reste une grosse affaire, si vous avez vu ce que le Seigneur, il donne d'abord la partie spirituelle. C'est que c'est ce qu'il a envoyé. Au chapitre 10, on va commencer à choisir les gens qui vont envoyer des adieux en nous donnant cet ordre, aller prêcher. Donc, ils sont choisis de Dieu. Dieu les a commissionnés, n'est-ce pas? Amen. Avec pour mission, avec l'ordre spirituel de faire quelque chose. D'accord? Amen. C'est pas la suite maintenant qu'on touche l'aspect du matériel, des choses temporelles. C'est dans ce même ordre-là qu'on se retrouve là-dedans. D'accord? D'abord le spirituel, d'abord, puis le matériel. C'est dans cet ordre-là que le Seigneur nous l'explique ici. Continuons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les pasteurs de jeudi ont dit que comment? Que l'ancien est cher, il paye trop le prix. C'est pour ça qu'il faut donner de l'argent. Pour soutenir l'œuvre. Soutenir l'œuvre, n'est-ce pas? Vous avez reçu comment? Gratuitement. Quoi? La parole. Non. Les choses spirituelles. Les choses spirituelles. Parce que là, il vient de dire, je vous envoie avec l'ancien pour faire telle chose. Telle chose. Lui donner cet enfant-là, ou bien tu sois avec elle, avec lui. Donne-lui de l'eau. Donne-lui de l'eau, il a soif. Hein. Et le Seigneur envoie d'abord, pas vrai? C'est le Seigneur qui commissionne. Parce que l'apôtre Paul, en fait, il a dit dans Matthieu chapitre, dans Marc chapitre 9 là-bas, souvenez-vous de ce qu'il a fait comme contestation. Il dit que si d'autres en usent de ces droits-là, c'est nous plutôt qui avons. Ça veut dire que vous pouvez vraiment s'aimer, vous s'aimer sur la mauvaise terre. Vous donnez aux gens à qui il ne faut pas donner. Vous voyez? Parce qu'il dit que si d'autres en jugent de ce droit sur vous, parce que les Corinthiens pouvaient donner à n'importe qui venait. Il a dit que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez comprendre, il y a une règle spirituelle, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Matthieu chapitre 10, verset 8, il dit, le Seigneur d'abord les envoie. Ils sont désignés, envoyés, commissionnés avec les œuvres spirituelles. Avec les œuvres spirituelles, il dit non, il les donne un ordre concernant cette œuvre spirituelle. Ça veut dire comme tel que vous avez reçu, tel donné. D'accord, frère? Amen. C'est important. Ils sont expliqués sur ce point-ci. Parce que si j'écris mon livre, ou bien mon livre de mon témoignage, et que ce témoignage-là, vous dites, Dieu m'a amené en enfer, j'ai passé 23 minutes en enfer, une heure en enfer, je fais ce livre, si je vends ça pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Tu sais, c'est la source, c'est-à-dire que tu en as pratiqué. Parce que quand tu partais faire la vision, tu n'as pas payé quoi que ce soit. Tu dois restituer. L'apôtre Paul a raconté sa vision là-bas, que je connais un homme, il y a cela de 14 ans, fur et à mesure. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Il a vendu, frère. Dans les visions d'aujourd'hui, on vend. L'apôtre Jean a vu sa part de film apocalyptique. Jusqu'à, il nous a vu 22 chapitres là-bas, n'est-ce pas? On a tourné ça même sur le film, au point où on voit, ça nous intéresse, pas vrai? Ont-ils vendu? Est-ce qu'ils ont vendu? Jamais. Voilà. Mais modernement, je suis resté sur ce point-ci parce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En fait, ce thème-là et ce qui arrive maintenant sur le plan moderne devait vous faire voir exactement les choses qui viennent du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne permettra pas qu'on fasse cela. D'accord? Maintenant, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si tu fais le livre pour raconter ton histoire spirituelle, parce que tu as eu quelque chose, une vision, et que tu dis, je suis en train de vendre ça, c'est ton expérience que tu as de vendre, même si tu amènes n'importe quelle justification. Si Dieu dit, prie pour quelqu'un en lui donnant cette eau, c'est qu'elle guérisse. Et que tu dis, oh, prends, bois ceci. Et cette personne guérit avec cette eau. Et tu conclus comme une suite numérique. Des premiers thèmes, une bouteille et des raisons, l'eau. Que chaque fois, il y aura une bouteille et l'eau, ça va guérir. Tu consultes ton entreprise en disant maintenant que venez avec l'eau, bien, venez ici là. Payez 1000 francs là-bas au secrétaire, on écrit. 2000, allez, ça va guérir. La preuve, voilà le témoignage. Telle personne avait pris, il avait guéri. Tu es en train de vendre la guérison. Quelque en sorte que tu vas dire que non, c'est l'eau, c'est la bouteille. Quand Dieu a dit, prends une bouteille d'eau, donne-lui. Il n'a pas dit, vends-lui. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Autrement dit, il n'y a pas d'échange entre l'argent et les dons spirituels. Ça ne s'acquiert pas plus d'argent. Il ne doit pas faire une restitution, un échange concernant l'argent, concernant quoi que ce soit, concernant le don spirituel. Vous suivez, n'est-ce pas? De la même façon, ça veut dire que celui qui vend l'eau aux gens et d'autres vend le livre, c'est normal que donc que quelqu'un pour dire pour que j'ai pris pour toi, donne l'argent. On dit qu'on ne vient pas, on trouve d'autres terminologies. On ne vient pas chez le serviteur de Dieu, les mains vides. Tu as vu ça dans ta Bible, c'est écrit quelque part? Non. Alors, c'est dans ces cas, où est-ce qu'il prend alors? Vous voyez? Continuons la lecture là dans ces matchs, je peux le dire. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, car dans vos ceintures, oui. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, oui. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Soulignez cela. La partie où il a dit car l'ouvrier mérite. Il a dit l'ouvrier. Bon, il dit en partant, ne prenez pas cela, n'est-ce pas? Il dit l'ouvrier mérite. Le Seigneur, en toile de fond, il a dépensé comment ils vont se nourrir alors? Il veut que vous me dites donc dans ces cas-là maintenant. Il leur donne l'ordre, en partant, ne prenez rien. Ne vous occupez pas de vous-même. Il dit, vous méritez votre nourriture. Ou bien votre salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Comment donc compte-t-il les payer? Tu as une idée? Hein, mon frère? Il dit, comment donc compte-t-il les payer? Puisqu'il dit, ne prenez pas d'or dans vos sacs, des habits de réchange ou quoi que ce soit, ne prenez pas de souliers. Comment compte-t-il les nourrir? Il y a une banque internationale du ciel sur la terre où quand tu finis de travailler, tu peux attendre la maison en donnant l'argent, frère. Comment ils payent donc? Tu as une idée? Si tu n'as pas dit donc, continue. Tu as une idée? En fait, ça se trouve là-bas. Continuons la lecture. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous. Si s'y trouve quelques hommes dignes de vous, de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Versets 40 et 41. Allons-y rapidement par là-bas. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Voilà, je repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment compte-t-il payer le salaire de ceux qu'il en a envoyé? Comment compte-t-il? Lorsqu'il les envoie, après il t'en est lié dans le verset où il dit si on ne vous reçoit pas le ressortez, c'est quoi la poussière? Juste après cela, il dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc il les envoie comme ça. Ne prenez pas le bâton pour le protection si quelqu'un vous tape l'autre jour. Comment compte-t-il les faire? Il dit en réalité, pendant que vous allez sous sa grâce, il y a l'esprit sur vous pour faire d'une pierre deux coups. Vous nourrir et bénir ceux qui vont vous nourrir. C'est ce qu'il a dit là-bas. N'est-ce pas, frère? Donc, il dit, vous devez examiner s'il y a une maison qui est digne de vous recevoir. C'est-à-dire pour que la personne que Dieu a envoyée entre habiter dans une maison. C'est déjà la grâce pour cette maison-là. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? La chrétienté que nous avons aujourd'hui a besoin de réformes, même dans la pensée. Amen. Il dit, informez-vous s'il y a quelqu'un, remarquez très attentivement, il dit, si la personne, la maison est digne de vous recevoir. Donc ça veut dire que la maison a intérêt à vous recevoir, il a intérêt. Parce que tu portes quelque chose. Il dit, au verset 40, donc celui qui reçoit, si quelqu'un vous reçoit, c'est moi automatiquement qui reçoit. Donc en fait, les choses sont tellement bien placées dans la Bible au point où, si on enseigne le principe spirituel aux gens, les gens comprennent automatiquement c'est à quoi c'est lié. C'est pas ce que vous comprenez. Alors, il ne s'agit pas de faire les collectes pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est pas cela. Il s'agit d'être commissionné. Si on te commissionne, il te commissionne quelque part. Maintenant, allons dans le livre de Luc, au chapitre 10 toujours. Verset 1, et on va s'arrêter au verset 7. Luc au chapitre 10. D'accord? En fait, c'est la même chose que qui se trouve dans le Matthieu chapitre 10, dit de façon autre. Allons-y, Frantani, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une fois de plus, il doit les avoir, là les envoyer, n'est-ce pas? Souvenez-vous ici, ils doivent être envoyés. Ce n'est pas que les gens essaient de travailler, ne parviennent pas à trouver du travail. Ils se rabattent du côté de Dieu, ils parlent à l'école de formation, de théologie, se forment, ils s'appellent serviteurs de Dieu, ils croient qu'ils vont faire quoi que ce soit. En fait, si tu es envoyé de Dieu, il y a des gens à qui tu es envoyé. Il y a des gens qui sont censés te recevoir. D'accord, frère? Un peu comme Élie a été envoyé à la veuve de Sarepta. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a été envoyé. Va, descend à Sarepta, j'y ai ordonné une veuve de te nourrir. Continuons. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Donc, vous voyez, c'est le même contexte de Matthieu chapitre 10, n'est-ce pas? Et ne salue personne en chemin. Donc, quand vous êtes prêché comme ça, envoyez, on ne salue personne. C'est pas frère? N'est-ce pas frère? Comment vous lisez quelque chose dans la Bible? Vous dites, vous me regardez un peu comme ça. Vous ne voulez pas accepter ce qui est écrit là-bas? Oui, allons-y. Dans quelque maison que vous entriez, oui. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Oui. Et si se trouve là un enfant de paix, votre père reposera sur lui. Oui. Sinon, elle reviendra à vous. Maintenant, allez méditer sur ce que le Seigneur dit, que votre paix retournera. Comment vous avez une paix que vous donnez à quelqu'un? S'il n'en est pas digne, ça revient vers vous. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? C'est quoi ici? La paix ici se réfère à quoi? Méditez-y. Continuons. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Soulignez, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Subitement, la phrase continue par un mot de trois lettres. C'est car. Et car introduit quoi? Car, ça introduit quoi directement? Regardez, je suis attentivement, je vous ai demandé de souligner quelque chose. Demeurez-y, entre quelques maisons que vous entreriez, demeurez-y, mangeant et buvant tout ce qu'on vous présentera. Pas vrai? Car l'ouvrier méritait son salaire. Donc, manger et buvant, c'était son salaire. Applaudissez pour le Seigneur. Donc, le salaire, c'est pas de l'argent. N'est-ce pas, frère? Donc, c'est pas la collecte. Vous voyez, ici, il n'est nulle part dit que lorsqu'il va prêcher, il met quelque chose pour qu'on puisse donner. Quand j'ai fini de prêcher maintenant, donnez la collecte. Parce que Dieu a donné son ordre à lui. Quand je vous envoie, demeurez-y. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ils n'ont pas fait obstacle à l'évangile. D'accord? Maintenant, il ne venait pas prêcher dans la rue. Quand il prêchait à l'aéroport, il aurait dit que finissez. Maintenant, quand vous voyez, vous allez au Nigeria, quand les gens finissent de prier, même dans la voiture pour prier pour que reprenne les gens. Il enlève son chapeau, il tend comme ça là. Donne-la derrière. Chacun met 500 naira, 10 naira à l'intérieur et collection. La deuxième voiture. Il a intérêt à être là-bas. Parce que les gens vont donner. Oui, mon cher. Le deuxième, oui, je peux te laisser. D'accord. Oui. Bon. Ce qui me touche beaucoup, c'est ce qui concerne la libéralité. Parce que on nous fait comprendre que chaque monde a donné nos libéralités. Qui dit ça? Le pasteur. Mais c'est son problème. On a liberté. Mais le bizarre problème, c'est que depuis ce jour, je lui ai fait comprendre que moi, je ne peux pas donner parce que dans mon cœur, je ne suis pas convaincu. Bon, non, attends d'abord. Arrangeons d'abord. Libéralité veut dire quoi? Donner sans contrainte ni secrète. À qui donc? À Dieu. Au serviteur, pardon. C'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas encore bien parcouru la parole de Dieu. Romains chapitre 12. Donc, le livre de Luc nous a mis au clair que lorsque vous allez quelque part, on vous reçoit, vous mangez, vous dormez, vous buvez. C'est votre... C'est pas ça, frère. C'est le salaire là-bas. Romains chapitre... Chapitre 12 des Romains. Vous y êtes. Prenons dans le verset 3. On va t'en lire à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a réparti à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Stop, soulignez. Bon, dans cette phrase, dans cette série de phrases-là, celui qui exerce la prophétie le fait à la, selon l'analogie de la foi. Il exerce la prophétie sur qui? Ou bien envers qui? Celui qui exerce dans la prophétie. On dit qu'il exerce selon l'analogie de la foi. Quand il exerce la prophétie, il exerce envers qui? Quand celui qui s'attache à l'enseignement, il enseigne qui? Celui qui exhorte, il exhorte qui? Celui qui donne à qui? Pourquoi ça arrive donc là-bas? C'est au pasteur que c'est orienté. C'est ça mon vrai problème. Pourquoi quand il s'agit de libéralité, donc, on oriente donc que c'est au serviteur qu'il faut donner? C'est ça qui me tourne. Ça ne te tourne pas aussi, frère. Ça me tourne parce que dernièrement, comme j'ai un frère, le frère Jacques, il a appelé, il est à l'hôpital. Comme on sait que non, moi, dès qu'un frère crie un peu, je pousse, c'est moi qui n'en pas. Dès qu'on prend l'argent, je sors seulement, je donne. Bon, maintenant, dernièrement, comme le frère Jacques était vraiment souffrant, les problèmes de vieillesse, les maladies de vieillesse, il était à l'hôpital, comme tu es là-bas, parce que c'est aussi, ils ont les mêmes problèmes, mais lui était à la maison. Maintenant, tu me fais comprendre que mon frère, depuis que tu as écouté, viens, maison, tu ne viens pas. Il demande à mon esprit, je constate que son problème c'est qu'il faut que je vienne pour le soutenir. Mais financièrement, il y a ma femme qui si c'est la fête d'argent, on ne venait pas à faire. Moi, je suis la fatigue aussi. Tu as fait ça au pasteur. Tu as fait ça au pasteur. Non, je n'ai pas dit ça à ma femme, non. Non, mais tu as quand même fait ça à ton pasteur. Comment je vois que ça à mon pasteur. Après, quand tu as vu le dimanche, tu as dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Non, depuis le dimanche, depuis que je suis venu, c'est là, bon. Depuis que j'écoute vos trucs de. Vos enseignements dans ma moto là, bon, ça fait un peu de m'éveiller dans beaucoup de choses. Et en plus, je prends ma Bible pour méditer, pour lire, pour comprendre aussi. Je ne vais pas jamais écouter sans me rassurer qu'est-ce que vous dites. Bon, quand tu parles comme ça, pourquoi le pasteur mange quoi? Il... Quand tu parles maintenant, c'est pour qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu? Mais là, il ne parle pas. Dans Matthieu, on dit clairement que s'il part, s'ils sont envoyés, qu'il part. Hein? Ton pasteur est parti quelque part. Il avait qu'il a brûlé sur la chaîne. Non, il est sur place, non? Il a une maison, non? Mais ceux-ci partent. Parce que ce que vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué que ce qu'on a dit qu'il les a envoyés pour qu'ils partent. Ceux-ci sont sur place. Donc, c'est deux conditions différentes. Mm-hmm. Donc, je repense à la question. Quand tu parles, c'est pour qu'ils mangent comment alors? Ils partent travailler. Mais c'est toi qui m'as dit aujourd'hui qu'ils ne mangent pas. Je ne pas travailler, c'est un véritable problème. Ah, mais là, toi, tu le laisses, tu comprends quand tu l'abandonnes? Et toi, je ne l'ai abandonné, pas abandonné. Je ne l'ai pas abandonné. La liberté doit s'exercer selon la direction du Seigneur. Quand le Seigneur te met à cœur de donner à quelqu'un, tu donnes. Ce que je t'en ai dit, et la question que tu as posée, on va enseigner le moment venu, c'est le fait que tu as dit que tu étais étonné du fait qu'il n'y ait pas de quête pour faire ici, parce que ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un service de la Bible là, dans ta Bible, ça se trouve nulle part. Pourquoi dit que le militaire a fait chaque jour la commune? Tu sais aussi écrit, frère. Vous avez fait comprendre que je suis encore... Non, il voulait demander aussi, tu sais où c'est écrit. Non. 1 Corinthiens chapitre 16. Donc vous allez tourner, on va répondre les deux questions des mariages. C'est important, n'est-ce pas, les frères? Absolument. Alors, le frère l'a parlé, j'avais bouche de pied que c'est bon. Les frères célibataires veulent savoir des choses sur les choses. Ce qui concerne la collecte en faveur. Toi, lis, frère, à haute voix. Que chacun de vous. Non. En fait, il y a quelque chose. Allons-y, à partir du verset 1, continuons. Pour ce qui concerne la collecte. Pour soutenir l'œuvre des saints. Non, c'est pas ce qui est écrit. Non. Regarde. Pour ce qui concerne la collecte pour soutenir l'œuvre, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est dans ta version, c'est ça? Oui, c'est toi. Applaudissez-vous. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Non, ça pas la bonne version, là, je vais lire ma version. Par exemple, de ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Attends, il lit dans ma version. Pour ce qui concerne la collecte pour soutenir le ministère. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine. Tu veux regarder en quelle version maintenant? Allons dans la semaine. L'autre version, c'est dit quoi? Oui, c'est du second. Et on dit quoi là-bas? Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Et je dis que ma version dit quoi? Oui, le contraire. Non, pas le contraire. J'ai dit ma version, que ça dit quoi? Religieux. Pour ce qui concerne la collecte en faveur quoi? Pour soutenir le ministère. C'est la même chose, non? Non. Comment ça? Pour ce qui concerne la collecte. Oui. En faveur des saints. Donc chez toi là-bas, c'est en faveur des saints. Chez moi, c'est quoi? Pour soutenir l'œuvre. Donc ça veut dire que ton pasteur a ma version. Tu vois le problème, non? Eh hey, mon cher. Le gars, j'ai acheté une deuxième Et le frère dit que c'est pour ça qu'il a compris l'appel là, il a acheté une autre version. C'est lui qui va prendre toute la version de Oui. 1 Corinthiens chapitre 16, lis le verset. C'est écrit. Ça c'est la version c'est même maintenant. Oui. Venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui en Judée appartiennent à Dieu. J'ai déjà donné mes directives. Donc, ça veut dire que... Non, ça, tu as verset 2 déjà. Donc, ici, d'après Semeur, c'est... Ils ont écrit en faveur des collègues, en faveur de ceux de la Judée. Ici, on a dit qu'en faveur des saints. dans ma version que je tenais entre mes mains, c'est écrit pour soutenir l'œuvre. Ok. Donc, quand tu, si tu as ces trois versions, tu vas donner pourquoi? Tu, quand tu donnes, tu penses que tu donnes pourquoi? Bon, c'est toi qui as dit tout à l'heure, là, je t'ai posé la question, est-ce que tu sais où ça se trouve? Parce que tu as dit que quand l'apôtre Paul dit que qu'on met chaque jour, chaque dimanche, dans ton esprit, tu pensais que chaque culte, on devait collecter, n'est-ce pas? Chaque rassemblement. Oui, chaque rassemblement, on devait collecter. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un problème qui se pose pour qu'on le fasse. C'est pour ça que tu es allé au verset 2, tu t'es dit revenir au verset 1. D'accord? Et je suis en train d'insister sur, les thèmes en faveur des saints. D'accord? Alors, parce que les saints sont dans des problèmes. Et la version semeur donne les localités où ces saints-là se trouvent qui sont dans le besoin. Nous sommes à Corinthe. Nous sommes à Corinthe. La Corinthe, c'est une ville grecque. La Judée se trouve en Israël. D'accord? Il est en train de dire à ceux de Corinthe. Vous, ils ont le désir de faire une collecte pour qu'on porte ça, pour aller donner à ceux qui sont dans le besoin là-bas. Est-ce que c'est pour l'apôtre Paul? Est-ce que c'est pour soutenir son œuvre? Tu vois qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, c'est pas pour soutenir son œuvre. Maintenant, lisons dans, continuons dans 8 secondes. Verset 2 maintenant. Donc, on va donc au verset 1, il dit, pour ce qui concerne... Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc, en Galatie et à Corinthe, il a donné les mêmes prescriptions. Et toutes les collectes des Galaties et des Corinthes, ce n'est pas destiné pour lui. Ce n'est pas destiné pour le serviteur des dieux. C'est, on dit en faveur. Donc, quand sa collecte vient, c'est pour qui? Tu as vu cela, n'est-ce pas? Maintenant, agissez-vous aussi comme je dois ordonner aux églises de la Galatie. Que chacun de vous... Allons-y. Le premier jour de la semaine, mettre à part chez lui ce qu'il pourra. Stoppons là-bas. Alors il dit que chacun, écoutez très attentivement, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Continuons. Afin que. Selon sa postérité. Sa postérité. C'est vrai, on dit que si on te donne une enveloppe que donne 10 000, on a besoin de 10 000, c'est déjà. C'est anti-scripturaire. Parce qu'on a dit selon. Parce que tu ne peux pas demander aux gens, à un enfant qui ne travaille pas, que donne 10 000. À un travailleur que donne 10 000. Tu donnes l'enveloppe, on distribue l'enveloppe, que donne ça. On ne fixe pas. Parce que si tu fixes, c'est plus selon la liberté. On dit même aux gens, pousse même aux gens d'aller prêter s'il le faut. Même si vous avez l'argent, que ce n'est pas vous donner, Dieu va multiplier. Dieu ne multipliera pas parce que ce n'est pas son principe à lui. Il dit selon sa prospérité, ce n'est pas fini. Afin qu'on n'attende pas. Mon arrivée pour recueillir les dons. Voilà. Donc, ça veut dire que lors des rassemblements, les gens se préparent pour apporter cela. Tu mets à part chez toi. Lorsque vous rassemblez, vous venez vous donner parce qu'on est à l'attente de la personne qui va venir prendre pour les amener. D'accord? Ce n'est pas qu'un culte régulier où on met le don chaque fois. Non. Et on met le don parce qu'il y a un problème avec les saints. Voilà ce qui est révélé dans les Écritures. On met un don. Il n'y a pas de collecte pour construire un bâtiment. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas une collecte pour construire un lieu de prière parce que le lieu de prière, il n'y en a pas. Ça ne se trouve pas là-dedans. D'accord, frère? Tu es d'accord? Je suis encore en suspens. Tu es encore en suspens. Bon, le côté de construction, comme vous dites, j'ai vu s'il a posé beaucoup de questions sur le côté-là. Donc, continuons la lecture de toute façon. Et qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des dons. Et quand je serai arrivé. Quand je serai venu, j'enverrai avec. Les lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous avez approuvées. Voilà, vous aurez approuvé. Donc on voit effectivement que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans l'église aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul dit, quand il va venir, après qu'ils ont fait la collecte, ils vont dire, ok, vous avez compté, ça a donné combien? 4 millions, oui. 4 millions. Vous pensez que qui et qui ici sont dignes de porter cet argent pour aller à Jérusalem avec, pour le donner aux saints? Ils disent, Papa So et Papa Tani. Vous dites, Papa Tani va abandonner l'école pour aller là-bas. Il dit, oui, il peut dévouer, il peut même quitter le service. Vous ne le connaissez pas. Hein? Alors, l'apôtre va prendre la plume. Il va écrire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux églises qui sont dans la Judée. Salut. Je vous écris aujourd'hui parce que les frères ont voulu, comme il a dit, ont voulu eux-mêmes s'imposer des contributions en faveur de vous. Voilà pourquoi donc je vous envoie, nous vous envoyons donc avec ces deux bien-aimés qui ont exposé leur tête pour la cause de l'évangile. Vous amènera la somme de tels. Papa Tanier et Papa So apportent cela et donnent ça au sein de Jérusalem ou bien de la Judée et distribuent. Les anciens qui sont là-bas vont recevoir et les diacres vont distribuer chacun selon son besoin. Voilà comment l'église fonctionne. Les frères qui sont à Corinthe, connaissent-ils physiquement ceux qui sont à Judée? Maintenant, voilà comment ça se passe dans les dénominations. Quand quelqu'un crée son ministère au Nigeria, on appelle ça headquarters. Donc le quartier qui a la tête. D'accord, frère? Le quartier qui a la tête. Headquarters. Et lorsqu'il y a le headquarters, tous les autres endroits où il y aura ces filières-là, ce sont des branches. Donc les branches, ce sont les arbres. Et donc, les gens qui vont désigner là-bas que le général Obasa, c'est un général qui voit au-dessus de tout, tu vois, te dit, il voit. Donne les ordres que chaque collègue que vous allez faire, vous reversez ça jusqu'à l'entreprise initiale. C'est nous qui faisons dans la distribution. Vous voyez le système papal, n'est-ce pas? Babylone. Alors, vous voyez que ici à Corinthe, ceux-ci n'ont pas besoin de savoir qui est en train de souffrir pour le faire. Ils ont tellement confiance au Seigneur que les gens sont de bonne moralité. Le Saint-Esprit utilise la personne qui ne doit pas prendre ses 4 millions, se dit que hey, c'est des gens qui travaillent quoi. D'abord, les gens, on ne connaît même pas s'ils sont dans le Seigneur. Ah, je ne le donne pas. Papa Tani. Papa se dit, Papa Tani, vous savez que fendons-les. Et puis avec l'argent. Ça ne se passe pas en milieu chrétien comme ça. Mais les malversations, vous allez entendre chaque fois en milieu chrétien, beaucoup de dénominations se divisent au niveau des collectes. Parce que quoi, dès le départ, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas selon l'ordre du Saint-Esprit. Et par conséquent, quelqu'un veut dire que non, je ne peux pas contrôler. Vous savez, dans, je ne sais pas où je suis parti, il y avait une femme, pendant qu'elle était dans les prêchés, elle était, vous savez, quand on fait les comptables dans une dénomination, elle m'a dit que, merde, je t'ai dit, tout ce que tu dis là, ça me touche. Elle dit, c'est quoi? Il dit que c'est comme l'autre pasteur qui était là. Après, il y a les localités, on dit pasteur, le synode, pasteur régional, pasteur, quoi, quoi, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est l'église évangélique du Cameroun, ça. Alors, celle-là dit que le pasteur lui a dit que, pendant que tu fais la collecte, ils avaient fait une collecte, un jour, ça a donné 4 millions. Le pasteur dit que mets 400 000. Il dit, un pasteur, il dit que, oh, toi aussi, je vais donner pour toi. Parce que tu mets 4 millions. Il dit que les gens qui sont en haut vont avoir les regards. C'est son expression. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les regards là-bas. Et le pasteur craint que si on voit que ça donne de l'argent, on l'enlève là-bas pour enlever, envoyer quelque part, on envoie les gens qui peuvent surveiller. Vous voyez le milieu? Ça veut dire qu'il n'y a plus de 4 millions. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus de 4 millions. Alors maintenant, le chiffre qui va monter jusqu'au sommet, là où il y a le quartier de la tête, ça va être quoi? C'est la vie du mensonge, c'est la vie de la vérité. Eux, ils sont dans le faux, ils font le faux, ils se fouvoient entre eux, ils se mentent entre eux. C'est dans quel cas on se trouve? Mais en prononçant le nom de qui? Jésus. En fait, c'est parce qu'on a quitté le modèle de la Bible. La Bible a son système, sa façon de fonctionner. Quand tu fonctionnes comme ça, tu fonctionnes dans la liberté. On ne peut pas imposer quelque chose. Il n'y a rien que Dieu a oublié pour que l'Église doit faire. Point de contexte qu'on doit faire. C'est que la Bible a dit. C'est que la Bible a dit. Oui. Ici, ils sont devant, refusés. De faire ce que la Bible a dit, la Bible déclare, oui. Tu quittes là-bas. Parce que tu ne peux pas changer un système. Parce que quand le général Ovasia a ses yeux partout sur toi. Non, il n'y a pas de général. Ce n'est qu'il n'y a même pas, de place. Non, ça va commencer comme ça, c'est comme ça que ça commence, non? Ça l'a mis le 10 ans, t'inquiète pas, j'étais quelque part en train de prêcher. Pendant qu'on devait m'introduire, quelqu'un, c'est l'heure de prophétie, écoutez, bientôt, ne vous inquiétez pas qu'on est dans une maison, on sera bientôt une grande église. C'est comme ça que ça se passe, donc on attend, c'est en attente pour aller, Donc, en conclusion, les modèles de collecte, tout ce qu'on voit comme doctrine au milieu de l'assemblée aujourd'hui, il faut examiner ça à la lumière de l'écriture. Tu vois que tout à l'heure, lorsque tu as pris, tu as cité le cas des 1 Corinthiens chapitre 16, c'était pour me dire le fait qu'on collectait chaque dimanche, parce que tu as vu là-bas le premier jour de la semaine, chacun met à part. Mais le problème, c'est que tu n'as pas prêté attention aux mots qui sont dits, le pourquoi, à quoi cela est destiné. Et donc, ça veut dire que quand le besoin de ces 5-là est résolu, quand la collecte est résolue, on ne fait plus cela, parce qu'il n'y a pas le besoin pour le 5. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on nous fait de façon perpétuelle. D'accord, mon cher? Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Les saints sont dans les besoins. On fait une collecte pour résoudre ces besoins-là. Non, c'est, en fait, si on fait le collecte pour eux, on savait qu'ils étaient saints. Pas vrai, frère? Des questions? Oui. Frère, j'aimerais lire deux versets avant de poser ma question. Amen. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Après ça, tu vas lire Acte chapitre 22. Oui. Non, fais maintenant, pose la question directement. Je laisse lui. J'attends ta question. Okay. Finalement, Paul a vu ou bien il a entendu. On veut les autres ont entendu ou ils ont vu. C'est ça la question. Oui, à peu près ça. Oui. Parce que là-bas, dans Acte, non, non. On dit qu'ils la ont question, c'est qu'ils ont entendu sans voir. De l'autre côté, on a dit qu'ils ont vu sans entendre. Oui. C'est la question, non? C'est la seule question. Oui. Deux questions, autre question. Vous savez, vous suivez seulement. Quand vous vous dites tel passage, ça se présente là, je sais exactement où vous allez. Oui, mon cher. Je voudrais proposer deux réponses, oui, à la question qui avait été posée ici. Yes, toi tu es toujours ancien. Hein? Quelle est la première question? La première, la première question, c'était, oui, dans Matthieu 12, oui, verset 27. Oui. On avait demandé de savoir de dire qui sont les fils qui vont juger. Mm-hmm. Donc, quand j'ai médité, j'ai vu dans Acte 23, verset 6, mm-hmm, où on dit que Paul était pharisien et qu'il était pharisien. Oui. Donc, ce que j'ai déduit de cela, c'est que parmi ceux qui vont juger, il y a les fils de pharisiens dedans. C'est quel jugement d'abord qu'on parle? Pas encore chercher, n'est-ce pas, frère? Donc là maintenant tu as oublié le jugement. Donc il dit par qui? C'est pour ça qu'ils seront eux-mêmes vos juges. De quel jugement ils parlent? D'accord, frère? Que Dieu te bénisse. Autre question. Vous savez pourquoi il mis ici en suspens? Parce qu'en fait, cette question, je vous ai posé ça ici, n'est-ce pas? Donc, si vous posez des questions, vous m'amenez la réponse. Celui-ci vous a fait comme ça. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Des questions? Oui, je voulais répondre à une autre question. Quelle était la question? La question de Judas. Oui. Le cas de Judas. Oui, tu nous as donné maintenant comment Jésus descend de Judas. En fait, je vais lire trois passages d'abord. Non, si je lis dans la Bible, ça ne se trouverait pas ce que ça nous dit. Continuons les questions. Votre réponse ne doit pas se trouver de la Bible. Vous devez regarder ça en dehors. Si vous calmez normalement, vous tournez dehors, vous allez voir ce que ça nous dit. C'est pour ça que chaque fois que vous citez la Bible, ça ne marche pas. D'accord? Alors c'est en dehors qu'il faut regarder. Vous comprenez ce que je dis en dehors? Vous comprenez ce qu'il dit en dehors? Ok. Dites amen comme ça dans la main. S'il n'y a pas, vous permettez donc que je prenne la question, le temps que vous revivez votre question. Oui, bon. Oui. Dans le livre de Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11, oui. Verset 25, oui. Car je ne veux pas faire que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne regardiez point comme ça. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Juste à ce que la totalité soit entrée. Oui. La question c'est ceci. Étant donné que c'est Dieu qui a aveuglé Israël afin que la grâce soit accessible aux païens, oui, et qu'il y aura un temps où cela sera restauré. Oui. Bon. Ceux-là qui sont morts dans l'enregistrement. Oui. 422. Donc, attends, tu veux me placer devant Dieu maintenant pour me faire juger, qui vient juger Dieu, frère? Je peux te poser la même question. Oui. C'est dans Romains, là, n'est-ce pas? Prends le chapitre 9. Lise le verset 17 à haute voix. Car l'écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alors je pose donc la question. C'est Pharaon qui est mort dans l'endurcissement. Quand vient-il de lui? J'ai dit, ils sont partis selon la même règle. Tu as dit c'est Dieu qui a endurci Israël pour le but du salut. Et tu me poses la question, la génération donc il a endurci pour qu'il ne voit pas le Messie. Quand viendra-t-il d'eux? Ici, lui m'a encore dit, parce que dans Exode chapitre 7, c'est lui qui avait envoyé Moïse, comme il a envoyé Jésus. Et Jésus se tient là-bas, il a aveuglé un pour faire sortir l'autre. C'est pas ça, frère? Il a dû aveugler un, aveugler clairement, pour qu'il ne voit pas dire qui est Jésus, qui est Dieu pour qu'il puisse laisser partir sur son peuple. Pas vrai? Même contexte, même chose. Alors il dit, laisse aller mon peuple. Non. Alors, qui a endurci Pharaon? Dieu. Ici, il explique qu'il a suscité à dessein. Et dans Exode, il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. Voici, il endurcirait et il ne laissera pas partir. Pharaon faisait par lui-même. Mm-hmm. Alors je te pose la question que tu m'as posée. Israël, quand viendrait-il de Pharaon? Si tu souris, moi aussi je souris. D'accord. La Bible dit que là, donc, il endurcit qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Et là, maintenant, il dit qu'il a suscité Pharaon pour que sa gloire éclate. Donc, même si Dieu te tue, pour que sa gloire éclate, c'est bon. Vous savez qu'il peut casser le pied de quelqu'un pour que quelqu'un voit ça. Après, quand on guérit, ça dit, Ah, mais le jour où tu avais cassé le pied, tu pleurais, personne n'était là. Mais le jour qu'on guérit quelqu'un, dit waouh. Vous savez, le paralytique, les paralytiques, les morts que Jésus a dû ressusciter pour que les gens croient au Seigneur, ça n'a pas été facile pour les gens qui étaient autour. Ça a fait du mal, heurter des cœurs, amener des cris, mais c'était selon sa volonté. D'accord? Il fallait que Judas vende Jésus, pas vrai frère? Quel sera son sort? Tu as pitié de lui? Donc ici, si vous voulez dans ces conditions-là, allez vous tenir devant le tronc pour dire à Dieu que pourquoi il fait telle chose comme ça. Des questions? Oui mon cher. Nous prenons ici, prenons ici maintenant. Frère David, oui. Oui frère, je vais poser la question. Toujours, allons-y. Quand je lisais ma Bible, je lisais dans Genèse chapitre 24, verset 11, oui, où l'intendant d'Abraham est parti pour chercher sa femme, la femme à son serviteur. Oui, directement, ça m'a balancé sur trois autres chapitres. Genèse chapitre 29 aussi, où Jacob a rencontré Rachel. Oui. Dans Exode chapitre 2, où Moïse rencontre sa femme à Madian, oui. Et dans Jean chapitre 4, verset 6, où Jésus est avec la femme de Samaritain. Donc je voulais savoir, je sais que normalement, humainement, c'est que le puits, c'est le lion plus de l'eau. Je voulais savoir, le puits peut symboliser quoi en quelque chose au milieu. Ça peut symboliser l'enfer, par exemple. En fait, ça m'a attiré mon attention. Non, non, j'ai dit. Oui, oui, tu as dit que ça peut symboliser quoi, par exemple. Par exemple, l'enfer. Parce qu'il y a le puits de l'abîme, par exemple. C'est ça, non, frère? Ok, deuxième question, la rencontre, parce qu'il y a la rencontre, je vois quatre rencontres de la même façon, je veux vous fuir. Oui. Les rencontres peuvent aussi symboliser quoi dans le plan, je ne sais pas. Toi, tu as rencontré quelqu'un qui va t'épuiser l'eau. Regarde-moi les questions là. Que la rencontre peut symboliser quoi? Jésus, quand Jésus a rencontré la femme salonite, il l'a mariée, non? Pardon? Jésus ne s'est pas marié avec la femme samaritaine? Hein, mon frère, donc tu l'exclus donc du corps de Christ. Bon, je vais lire ici, on va continuer à répondre ici. Vraiment, vous allez vous m'étonner. D'après la Bible, souvenez-vous, je prends les questions au mot. On a dit d'après la Bible. Est-ce que si un frère demande la main d'une sœur en mariage, elle devrait prier pour savoir la volonté de Dieu? Maintenant, je vais d'abord corriger une chose. Ne demandez jamais la main d'une sœur. D'accord, frère? Faites attention, ne demandez jamais sa main. Et vous, les sœurs, vous qui m'écoutez, si un frère vient demander votre main, n'acceptez jamais. Jamais, ne faites pas cette erreur-là. D'accord, frère? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et si le frère en question est dans une dénomination, peut-on conseiller à la sœur d'accepter vu la doctrine qui est prêchée? Ouais, très bien que j'ai d'abord dit qu'on apporte ça. Un homme par sa main, non? D'accord, frère? Pardon, vous avez dit quoi concrètement, frère? C'est pas la... Mais j'ai demandé de comprendre, vous avez dit que vous comprenez, non? Comment doit-elle réagir? Pourquoi on ne doit pas demander la main? Pourquoi est-ce qu'elle doit... Pourquoi on ne doit pas accepter? Pourquoi elle doit demander la main seulement? Vous demandez sa main pour qu'elle lave les habits, non? Ne demandez pas la main. Voilà. Voilà, ça veut dire qu'on ne demande pas la main. Voilà. Si on demande vos mains, n'acceptez pas. Parce que quand vous allez venir, il va dire lave le sol. On lave avec quoi? Plus de l'eau. On plus avec quoi? Lave mes habits, on lave avec quoi? Ça veut dire qu'on peut expliquer la barbe. C'est une question de la garde en mariage. Demandez à moi. Parce que j'ai dit que je vais prendre au mot, c'est ce qu'il dit dès le départ. D'après la Bible, parce que la Bible ne dit pas qu'on demande la main. C'est ça le problème. Parce que d'après la Bible, quand tu vas demander à moi le matin, tu vas demander quoi? Quand tu parles de son, tu veux qu'elle ne comprend pas. Tu dois demander à Marie, tu vas dire que je viens pour demander sa main. Vous savez, quand ils font la réunion le soir, là, ils commencent les paraboles. Il dit que grand père, j'ai passé devant ta porte, j'ai vu une poule ici dehors. La soirée commence. La poule, dans le matin, c'est la poule. On prend les poules similaires, on met les draps sur eux là-bas, ils font les cérémonies. Vous savez, les Africains vont nous tuer avec les histoires. Ça, c'est pour avoir l'argent. On dit que papa Tagne, il a l'argent. Il dit que oui, il a l'argent. Papa Tagne aussi, en venant, il sait déjà ce qui se passe. Il, tout son argent qu'il a les dîmes, il change ça en 500. Dans la poche, c'est quand il est assis, c'est qu'à droite, il y a les billets de 1000 francs. À gauche, c'est le billet de 500. Quand vous venez, après il se trompe, il dit que maman est dit, comme tu es comme ça là, donne-moi le 5 ans, ce sera toi dans le Kabbalah. Et dis-moi. Il dit qu'il va venir, il va faire souvent le flic. C'est pour ça qu'on fait non. L'argent va finir. Les 5 ans, ça là vont finir. Dès qu'il y a vu la poule, donc la femme là c'est la poule. On est venu pour l'attraper. Donc la femme c'est la poule. Parce que maintenant qu'on veut appuyer son coup chaque fois. Bon, maintenant, corrigeons donc. D'après la Bible, est-ce que si un frère demande une soeur en mariage, elle devra prier pour savoir la volonté de Dieu? On va prendre deux volets dans cette situation-ci. Le mariage, c'est une histoire de cœur à cœur. C'est une histoire de cœur à cœur. Je crois que nous avons parlé du mariage. S'il manque, il y a tant seulement la partie où on commence à parler du divorce là. Mais avant le divorce, il faut qu'on parle de la virginité. D'accord? On avait vu cela. Maintenant, c'est une histoire de cœur à cœur. Donc, ne t'engage pas vers quelqu'un si dans ton cœur tu as vérifié que en réalité, la personne a pris place dans le vide qui était là, qui devrait être comblé. Vous comprenez? Et ce qu'ils sont de devoir dire, c'est que si c'est la démarche qui t'a plu, si elle fait comme ça, sa démarche te plaît. Vous savez, les accidents sont au Cameroun partout là maintenant. Si le Ben Sikin, les motos là, fait pas, désormais marche comme ça. Si elle marche comme ça là, sa démarche va encore te plaire. Hein? Voilà. Ça veut dire que tu avais épousé quoi? La démarche. Or, la forme de la personne qui est à l'intérieur, malgré quelques infirmités à l'extérieur, ne peut pas changer cette forme là. Vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Parce que tu demandes sa main, demande coupe sa main. Et tu lui dis maintenant, il croit que tu es en train de rester, donne le téléphone numéro jusqu'ici. Donc tu demandes sa main. Si demain il y a quelque chose avec sa main, maintenant elle n'a plus les mains. Tu vas maintenant dire maintenant quoi, tu vas aller chercher celle qui a les mains, pas vrai? Alors, il faut faire attention. Là, il veut répondre sur deux volets. La première chose à faire, donc d'abord, c'est de savoir que le mariage, pour que tu aimes quelqu'un, ça doit venir du cœur, pas de la passion. Pas de la chair. Parce qu'il y a quelque chose qui attire. Que c'est cette chose que j'aime. J'aime la seule. Quand elle sourit, c'est pincant. Ses joues sont pincants. Attends, quelle est la joue qui a enflé? Ah, c'est pas vrai ça. La deuxième chose, c'est que il y a des gens qui disent, et avec raison, écoutez très attentivement, il y a des gens qui disent, et avec raison, que pour le mariage, on n'a pas besoin de prier. Que le mariage, il n'y a nulle part qui dit qu'on a besoin de prier. Mais, si cette personne avait lu la Bible véritablement, s'ils avaient lu la Bible déclare que dans tous vos besoins, c'est intimement un contenu là-dedans. Si tu as besoin de te marier, parce que la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Parce que tu te tiens comme ça, tu dis, Seigneur, qui est-ce qui va épouser? Ça, je pense qu'il y a l'inquiétude qui naît par rapport au mariage, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous dites, oh, il y a Catherine, il y a Gaël, il y a Cynthia, il y a Bibiche, tu restes comme ça, tu vois là avec les problèmes maintenant. Là. À ces niveaux-ci, il faut que tu pries. Pour ne pas prendre la mauvaise décision. La Bible donc dit, dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu. Quel est ton besoin? Donc on peut prier effectivement pour le mariage. Maintenant, le cas que le frère s'est appris dans le livre de Genèse chapitre 24, Abraham d'abord, dit, jure-le-moi, mets ta main ici dans la cuisse, jure-le-moi, il dit, tu ne prendras pas les filles de ce pays-ci pour mon fils. Il a mis la main sur sa cuisse, il a juré, passément. Donc il dit, ok, s'il veut donc dans la maison de ton père, et que je trouve une femme, et qu'elle dit, elle ne viendra pas par ici, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, dans ce cas, tu seras dégagé du serment que tu as fait. Par conséquent, d'après ce serment, toutes les femmes de la zone où ils habitaient étaient disqualifiées. Ça veut dire que même si Isaac aimait une femme là-bas, c'était disqualifié dans le serment. Nous sommes d'accord? Voilà. Parce qu'il y a un serment qui est lié du fait que les filles d'ici sont disqualifiées. La femme se trouve quelque part. Ah mon Dieu, si vous pouvez parler maintenant. La question c'est comment cette personne, si dans sa vieillesse, sait que sa femme se trouve plutôt dans la maison de son père, dans sa patrie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, laissons Abraham, c'est un prophète, laissons tous les événements. Retrouvons-nous au puits, maintenant. Notre fameux puits, pas vrai, frère? Lorsqu'il est là-bas, est-ce que le fait qu'il entre dans le pays, combien de filles se trouvent dans le pays? Dans ces plusieurs, comment savoir celle qui est destinée pour Isaac? Cette partie de la Bible nous montre clairement que si vous aimez le Seigneur, que le Seigneur vous aime de la bonne façon, vous êtes en relation, il a quelqu'un réservé pour toi. N'est-ce pas, frère? Ah, si vous racontez mon histoire d'amour ici, là, maintenant, là. Si vous racontez l'histoire de mon histoire d'amour. Allons-y, vous aimez trop ça. Bon, maintenant, regardez très attentivement. Regardez très attentivement. Le serviteur d'Abraham se tient là, il connaît la difficulté. C'est exactement comme aller chercher une aiguille en bordure des mers dans le sable. Laquelle des jeunes filles donne maintenant, je suis venu, ok, j'ai quitté de tel endroit à tel endroit. Laquelle donc je vais prendre donc pour l'épouse? Parce que toutes les filles ne sont pas des épouses. Pas vrai? Le fait que tu sois belle ne montre pas que tu auras le belle maison. Parce que si vous voulez une belle fille, allez dans la prostitution, vous allez voir qu'il y a les belles femmes là-bas. Donc ce n'est pas la beauté qui amène dans le mariage. Vous comprenez cela? Oh, je ne prends pas le douleur, si tu sens mon douleur, le gambas qui est dedans. Si c'est le gambas, ça se trouve là-bas à l'hôtel, ça va pas vrai? Donc c'est pas le gambas. Alors, ça veut dire que quoi? En fin de compte, il y a une personne qui est sortie de toi, normalement. Il faut qu'elle retourne là-bas, afin que vous accomplissiez la volonté de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Pas le laveur des, pas la laveuse des habits. Pas la main pondeuse. Hein, pas la main pondeuse. Maintenant, suivons. Alors, quand il se tient là-bas, voyant cette difficulté, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il prie. Il recommence encore la question. Dieu, d'après la Bible, on va le voir, nous sommes dans Genèse 24, n'est-ce pas? D'après la Bible, est-ce que si un frère demande la main d'une soeur en mariage, elle devra prier pour savoir la volonté de Dieu? Là, la question est posée sur la femme, d'accord? Je n'en ai pas d'avocat, je n'en ai pas encore, il revient ici. Donc, Elimelech reste là, il dit, Seigneur, je sais que c'est, la tâche est ardue maintenant pour chercher cette femme-ci. Mais, les jeunes filles qui vont venir, parmi les jeunes filles qui sont venues ici, quelle est la probabilité que la jeune fille qui doit être femme vienne en ce jour-là puiser de l'eau? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit, parmi les jeunes filles qui vont venir ici, là, si je dis telle chose, telle chose, telle chose, qui demande de l'eau, mais il donne ceci, je saurai que c'est la femme que j'ai choisie pour Isaac. Écoutez très attentivement mes voix. Si ces choses s'accomplissent, je saurai que c'est la femme que j'ai choisie pour Isaac. Il a dit que. Donc, quand on a accouché Rachel, elle était pour. Tourne-toi, pointe le nez de quelqu'un. Pointe le nez, l'exemple là, pointe le nez, pointe le nez. Vous, c'est ce que vous voyez. Même si vous pointez deux doigts sur un nez, il n'y a pas de problème. Dis donc, cesse de foutre ton nez partout. Il y a quelqu'un qui t'est destiné. Voilà, vous avez compris, n'est-ce pas? Lisons de la Genèse 24. Rapidement là. Donc, Dieu bénisse la personne qui a posé cette question là. Amen. Vous y êtes? Verset 11. De Genèse 24, je vais lire à partir de là, d'accord? Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, écoutez bien maintenant, suivez son langage, d'accord? Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que j'ai désiré et use de bonté envers mon Seigneur. Frère, si nous avions seulement la relation avec le Seigneur, vous priez avec sérénité, vous attendez avec patience et vous exaltez Dieu dans la réponse. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Donc, quand il entre dans le pays, quelle est la probabilité que c'est aux sources d'eau que la femme se trouve? Bon, maintenant, je vous dis, oh, par exemple, supposons que ce frère veut se marier. Je lui dis que, comme tu vois là, ta femme se trouve au Nigeria. Si je lui dis, ta femme se trouve au Nigeria, quelle est la superficie du Nigeria? Bon. Dans quelle ville au Nigeria? Mais ici, il est allé en Mésopotamie. Quand il part à Mésopotamie, il y a un seul puits là-bas. Non. Lisons seulement, frère. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, donc parmi les filles, il y a la jeune fille. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche et je te prie pour que je boive et qui répondra. Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Souligné. Alors, mes frères, je crois qu'il est déjà dit ici. Donc, Dieu a destiné. Comme Dieu savait, par exemple, comme vous voyez dans le modèle exemplaire de Genèse chapitre 2, il savait ce qui manquait à Adam et il a fait venir la femme qu'il lui fallait. Quand il a vu, il a fait. C'est un soulagement, pas vrai, frère? Donc, c'est celle qui te soulage, celle qui répond à tes attentes. Pas celle que tu tapes la tête souvent comme ça, qui m'a fait tomber, qui m'a fait. Vous savez, voilà pourquoi vous ne devez pas dire que voici ta femme sans que Dieu ne vous ait dit. Si Dieu ne vous a pas dit, ne dites pas cela. Parce que le jour c'est fort. Il va se tourner vers toi et dire que j'étais resté tranquille. C'est toi qui as porté la querelle pour venir mettre chez moi. Porte la querelle que tu as mis chez moi, tu vas chez toi avec. Mais cela, il peut même mettre sur toi, il tape la main comme ça que c'est terminé. Parce que l'histoire de mariage, c'est l'histoire de cœur à cœur. On y entre là-bas avec délicatesse. Vous aimez quelqu'un de la bonne façon. Les problèmes vont seulement vous solidifier. Il dit, vous aimez, si vous aimez quelqu'un, comme la Bible le dit là, les, enfin, depuis qu'on est désobéissant, têtu, parce que nos têtes sont du colonel de coco, Jésus nous a abandonnés. Quand Israël a été fou, parce que Dieu se fâche maintenant, il tape sa tête sur le mur comme ça, que, au courroie. Vous avez vu, Balaam est venu pour maudire Israël, il a fait quelque chose. L'amour est plus fort que la mort, dit la Bible. Amen. Et quand un homme va vouloir faire, comment tu dis Amen fort vite comme ça? Et quand un homme va donner même des biens, tous les biens de sa maison, pour rompre les gens qui s'aiment, il ne s'attirera, dit la Bible dans ses cantiques de cantiques, au chapitre 8, il ne s'attirera que des tribulations. Donc si vous voyez quelqu'un qui s'aime, véritablement, n'allez pas là-bas mettre la main. Même si vous voyez, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Tu fermes et dis, s'il vous plaît, entrez dans la chambre, ils dans la chambre, tu fermes. Tu dis que quand vous êtes d'accord, entendez-vous et puis je viens ouvrir. Si vous restez, vous habitez chez quelqu'un un jour, vous voyez, il sort comme ça, tu viens dire que papa, c'est toi qui as tort. Si ce n'est pas ton père, vrai, et que tu habites là-bas, c'est ton oncle, c'est ton père. Quand ils vont finir le soir, quand ils vont sortir le soir, la femme va faire. Allez à la cuisine. Rentre le soir, il me dit chérie, chérie. C'est toi qui vas baisser la tête là-bas. Il va dans la chambre le soir, il dit que je t'avais bien dit que Honoré là, c'est lui qui nous crée le problème. Tu n'as pas remarqué sa présence depuis qu'il est sur le problème. Avant qu'on était ici, est-ce qu'on avait le problème? Le mari m'a fait le diagnostic comme ça là que oui, c'est même vrai. Est-ce qu'on n'avait jamais eu le problème? Vraiment, c'est la présence. Je crois qu'il a entré un mauvais esprit. D'abord, même sa propre mère était divorcée. On était, c'est son esprit là qui en est revenu. En fin de compte, qui est le problème là-bas dans la maison? Donc, faites attention à la façon dont vous approchez ces choses-là, d'accord? Quand vous n'avez pas la sagesse de Dieu pour diriger, je dis, mon cher ami, entendez, vous avez commencé sans moi, continuez. Et donc, regardez ce que la Bible dit ici, cette femme, cette personne dit, d'après la Bible, est-ce que si un frère demande une soeur à mariage, elle a corrigé la main, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle devra prier pour savoir la volonté de Dieu? Maintenant, en suivant l'affaire que nous avons lu jusqu'au verset 14, verset 13 de Genèse, chapitre 24, est-ce que, comment ça s'appelle? Vous pouvez permettre qu'il parle un peu vraiment, n'est-ce pas? Vous permettez qu'il parle, n'est-ce pas? Vous pouvez entrer en amour sans avoir ressenti quelque chose. Vous pouvez entrer en amour sans avoir ressenti quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il faut que Dieu me montre en vision. Dieu n'a pas montré ça à Rebecca. Il n'a pas montré à Rebecca. Dieu n'a pas montré à Ève que son mari c'était Adam. C'est Adam qui avait besoin, pas lui. Parce qu'on dit que la femme a été créée à cause de l'homme. Vous comprenez ça? Et pas l'homme à cause de la femme. Donc, c'est pour ça que c'est l'initiative doit venir de l'homme. C'est pour ça que l'initiative doit venir de lui. Vous-même, un homme, si une femme vient te dire que frère, je vais te prendre en mariage, même toi, tu vas accepter. Hein, frère? Il y a des gens qui disent. Il y a un ami qui s'est marié comme ça. Hein? Oui. Donc, la femme l'a marié. C'est lui qui est même frère. La femme qui donne la fille pas de douter. Bon, on continue ici là. Alors, suivez attentivement. Dans ce livre, je vais garder la question de cette personne-là en esprit, d'accord? D'après la Bible, si un frère demande un soeur en mariage, devrait-elle prier pour savoir la volonté de Dieu? Si vous savez que vous aimez la personne, et que vous savez que vous aimez la personne pour le mariage, vous devez vous asseoir comme ça. Sachez que lorsque vous dites oui, vous vendez votre liberté. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, en réalité, la jeune fille a le OK pour dire oui ou bien pour dire laisse-moi chercher la volonté de Dieu. Parce qu'on peut connaître la volonté de Dieu en toutes choses. La Bible nous a dit dans 1 Jean chapitre 2 là, il dit qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins. Non, non, dans ce livre là, il a dit que si nous avons auprès de lui l'assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous écoute, nous possédons la chose. Si c'est son mariage, je demande au Seigneur, est-ce que elle est ta volonté? Est-ce que je suis la femme qui a été faite pour celui qui me demande la main? D'accord? Souvenez-vous, Dieu ne répond pas à une personne aux personnes de la même façon. Il peut te répondre autrement. Il y a des gens, si vous, je vous raconte l'histoire, il y a des histoires que j'ai suivies d'un frère au Maroc. Je vous raconter leur histoire. C'est l'histoire d'un frère qui fréquente ici au Cameroun. Il, vous savez, des copains et copines. Mais il y a une fille là qui a toujours l'aspect, elle est sainte. Elle ne se voit pas dans ce style de vie. Malgré que celui-ci est avec des filles, il regarde la fille là, il dit, toi là, tu es ma femme. Le voici ici. Vous savez, les hommes sont terribles. Hein? Les hommes disent que toi, tu es vierge. Ils cherchent ce qui est. En détail, il fait quoi de l'autre côté? Gâter les autres. Voilà, pour que quelqu'un qui vient demander, pour qu'il vienne prendre de l'autre côté. Vous les hommes, hein? Bon, nous les hommes. Nous les hommes. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il dit qu'il est à l'école ici au Cameroun encore. Avec des femmes, des parts et d'autres. Mais il regarde cette fille-là. Il dit que toi là, tu seras ma femme. La fille regarde comme ça, écoute qui? Ils finissent les yeux ici, ils vont au Maroc, là-bas aussi, elle finit les yeux, elle part aussi au Maroc. Ils arrivent là-bas, et la fille avec qui ils sortaient se trouve aussi au Maroc. Donc les trois encore se déplacent pour là-bas. Ils se voient toujours. Il sait que, entre temps, lui, il croit. Il dit à cette fille-ci maintenant que je ne veux plus vivre avec toi. Maintenant, il se tient là-bas. Il dit que Seigneur, celle-ci, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Quand il voit la fille là comme ça, il dit que ta tête m'énerve, ta tête m'énerve, ta tête m'énerve. Après, il finit ses études, il rentre au Cameroun, il a de travailler. En tout temps, lui, il est dans le jeune là-bas, il dit que Seigneur, tu m'as dit, parce qu'avec cette étude, que c'est elle qui est ma femme. Ici, elle travaille dans une banque. Qu'on lui paye, elle est cadre. À une jeune femme de 21 ans. Subitement, elle sent un désir de rentrer au Maroc. Subitement, elle sent un désir, une pression. Elle part donner sa démission, elle retourne au Maroc. C'est pas ce que vous comprenez. Le garçon, il est prié, il dit que je la fais revenir. Vous savez, quand ça vient là, vous pensez que non, c'est vous qui avez pensé que je la fais revenir. Par quelle probabilité qu'il va faire venir? Elle travaille déjà là-bas. En voyant, elle était là, dans la maison. Jusque-là, ça ne marche pas. Elle va demander, elle dit que je ne suis pas venu ici pour toi. Mais elle, dans sa tête, elle dit que elle est venue au Maroc pour continuer ses études. Elle poursuit ses études, que ses études sont en train de fuir partout. Elle poursuit. Elle croit que c'est pour ça qu'elle est venue. Elle vient là-bas, elle tourne en rond jusqu'à ce qu'un de ces jours, elle se tient là-bas. Elle dit, oui, j'accepte. Il y a ce master secret qu'il ne veut pas dire parce qu'il dit vous allez savoir qui c'est. Alors, remarquez très attentivement que dès le premier abord, l'homme sait que voici sa femme. Mais la femme n'a pas encore la compréhension. Mais tôt ou tard, Dieu le fait comprendre jusqu'à ce qu'elle vienne là-bas. Vous voyez cela? Voilà donc comment Dieu peut faire. Donc, ne vous inquiétez pas de demander la volonté de Dieu. Si vous voulez marcher dans la volonté de Dieu, vous avez peur de faire les erreurs, demandez-lui. Demandez-lui sans au préalable avoir votre réponse. Demandez-lui, ça au préalable, c'est-à-dire que celui-ci demande une femme en mariage. Elle dit, je vais la demander au Seigneur. Mais elle sait déjà qu'elle accepte parce qu'il y a un truc, une motivation. Elle dit, oh Seigneur, je veux savoir. Maintenant, si le Seigneur dit un autre truc contraire, elle s'entête toujours ici. Ça veut dire que quand tu demandes la volonté de Dieu, il faut être prompt à marcher dans cette volonté. C'est-à-dire, s'il dit, voici, telle est ma volonté. Vous dites, oh, malgré qu'il soit riche, malgré qu'il soit en amant, que tout le monde soit d'accord, Dieu m'a dit une autre chose. Et vous y tenez. C'est-à-dire, n'allez pas demander quelque chose à Dieu si vous n'êtes pas prêt à y marcher. C'est ça dans les questions. Donc, une femme est un réservoir dans lequel le cœur de l'homme doit devenir fixé. Donc, si votre cœur, vous êtes disponible pour le mariage, restez seulement tranquille comme ça, comme réceptacle. Travaillez seulement que Seigneur, donne-moi d'être une femme pour cet homme. Que si on a fait le recherche sur la terre pour chercher une femme, que c'est moi qui le trouve. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Parce qu'une femme, les êtres féminins peuvent aller en mariage, mais la femme du mariage, c'est autre chose. Quand Salomon a cherché parmi ses femmes, il n'a pas trouvé de femme, c'est ce qu'il dit que si quelqu'un trouve sur la terre, il a trouvé un bonheur. Quand c'est un don de Dieu qui l'obtient. Donc, la femme doit plutôt prier, Seigneur, fais-moi que je sois un don. Vous posez à une jeune fille que tu es prêt pour le mariage, elle dit que oui. Elle dit comment? Ma mère m'a formé à cuisiner. Donc, elle t'a formé à cuisiner. Donc, ton mari t'est marié parce qu'il a faim, mais parce qu'il veut manger. C'est l'un des aspects de ces choses-là. D'accord. C'est la complétude. C'est la complétude. Il y a quelque chose que c'est toi qui dois apporter. Et que ce n'est que toi qui dois apporter. Si tu n'as pas ces choses-là, il y aura l'handicap dans ces mariages. Et ces choses-là, il va continuer à chercher autrement. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le mariage, c'est la complétude. C'est une pièce complète. Ici, il y a besoin de ceci pour que ce soit comme ça. Vous voyez? Que ce soit complet. Et ce n'est que ça. Vous prenez les bûchons, vous avez les gourdes de 10 litres, vous prenez le bûchon de ça, vous allez mettre un bûchon de 1 litre, ça ne marche pas. Parce que ça a son bûchon qui suffit là. D'accord, frère? Donc, si vous voulez demander la volonté de Dieu, demandez, mais en étant clair que si Dieu vous donne sa volonté, si Dieu oui, vous y allez. Vous dites non. Il faut compter que c'est une sœur qui veut épouser un païen. Comment une sœur veut épouser un païen? Comment ça? C'est-à-dire qu'un païen vient demander chez moi, à la maison. Un païen vient demander à la main d'une sœur. Bon, elle dit, qu'est-ce que la sœur a dit? Elle a dit qu'elle a eu des visions où elle s'est rendue compte qu'elle n'est plus, elle s'est séparée avec lui, mais elle s'est ralliée avec un autre monsieur, avec un autre homme. Mais après, quand elle voit le visage de l'homme, c'est toujours le visage de... Donc même l'homme l'a porté le visage de l'homme. Oui. Donc en fin de compte, elle comprend qu'on fait quoi, c'est avec l'homme là qu'elle est. Oui. Bon, elle a accepté. Elle dit que dans son cœur, elle veut... Dieu. Donc la vision dit autre chose, oui. La réalité dit autre chose. Oui. Dis-lui courage qu'elle continue à prier, d'accord? Le volet suivant dit, et si le frère, donc nous sommes mais si le frère en question est dans une dénomination. Qu'est-ce que la dénomination a à voir avec le mariage? Écoutez très attentivement. Qu'est-ce que la dénomination a à voir avec le mariage? Il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, par exemple, le pasteur peut prendre la dot en tant que père de la jeune fille, par exemple. Le pasteur peut imposer. Peut imposer, n'est-ce pas? Donc, la dénomination crée des obstacles au mariage. Mm-hmm. N'est-ce pas? Et beaucoup vous en sous. Vous si vous n'êtes pas dans la même assemblée, vous pouvez vous marier. Mm-hmm. Puisqu'on avait dit en haut que d'après la Bible. Alors, d'après la Bible, c'est ça? Est-ce que la Bible dit ça? Mm-hmm. Donc, ça veut dire que parce que. Et ils sont comme ça, on ne doit pas empêcher quelqu'un de se marier. Personne ne doit être obstacle de se marier. Voici donc, si vous êtes conducteur, voici ce que vous devez faire si on vient vers vous pour demander conseil par rapport au mariage et que vous n'en savez point. Posez toujours la question à l'homme si tu aimes cette femme-ci au point où tu peux mourir pour elle. C'est-à-dire, si le bandit vient chez vous, dit que, qui est le chef de cette maison-ci, il veut tuer ou tuer. Il dit que, ne touchez pas ma femme, vous mettez votre voiture, vous continuez là-dessus. Pas que tu te couches. Quelque part, tu te caches, tu dis que maman se dit que je ne suis pas là. Tu vas ouvrir la porte, tu vas voir si ceux qui sont là, sachant que c'est les bandits, vous comptez sur elle. Hein? Parce que si on tire sur elle, vous savez, il y a un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, un garçon et une fille qui étaient restés dans une maison, ils disent que je t'aime, moi non plus, les bandits sont entrés. On a donné l'arme au garçon, que tire sur ta femme, vite. Il a mis comme ça, il dit que je ne peux pas, parce qu'il l'aimait tellement. Et les bandits ont dit, ok, prends ça là. Ils ont mis ça sur le gars là, à la fille, on dit que tu sur lui. Et elle a dit, clac, clac, clac. Elle a tiré sur l'homme, appuyé, c'est pas, j'ai dit qu'il n'y a pas de balle dedans. Après les bandits ont fini, ils ont porté ce qu'ils ont porté, ils sont sortis. Vous savez, effectivement, la suite, c'est que ça, les bandits les mettent tranquilles. Vous savez qu'ils ont s'aimé vraiment la chose. Quand ils sont sortis comme ça, le gars a croisé le bras comme ça, Wanda comme ça. Hein, n'est-ce pas, frère? Là, se révèle la personne avec qui tu vis. Là, se révèle la personne avec qui tu vis. Donc, si elle voit un trou et qu'il faut sortir, c'est toi. Or, la Bible dit que c'est l'homme qui doit donner sa vie pour sa femme, comme Christ a donné sa vie pour sauver sa femme. Pas vrai, frère? Amen. Voilà. Donc, personne ne doit mettre obstacle à cela. Tu poses la question à l'homme, est-ce que tu es prêt à suivre ce garçon partout où il pourra être? Parce que la femme doit aller là où son mari se trouve. Tu es prêt? Il dit, mec, jusqu'à quel prix, même si tu es opprimé, que tes parents se mettent en opposition, tu laisses tes parents pour le avec. Parce qu'on a dit que tu dois quitter ton père. Oui, dis oui. Femme, est-ce que tu aimes de la même façon? Oui. C'est que personne ne doit plus faire obstacle. Personne, ni rien, ne doit plus faire obstacle à cet amour-là. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? D'accord, frère? Amen. Voilà. Il dit, parce que peut-on conseiller à la sœur d'accepter, vu la doctrine qui est prêchée? Personne ne doit conseiller personne à accepter un mariage. Personne ne doit conseiller. Remarquez très attentivement, encore une fois, dans Genèse 24. Lorsque Rebecca est venue, Il a demandé à d'autres jeunes filles. Jeunes filles ont dit que tiens, regarde-moi celui-ci. Il n'est même pas garant. Il reste à côté depuis, il attend lui-même tranquille. Bon, monsieur a croisé ses pieds. Kevin Pizzo lui donne. Il dit tu vas me voir dans la sauce du tarot. Le monsieur était dans la quête, c'était la recherche de la femme digne d'être révélée dans la Bible. C'était la mission, révéler une femme révélée dans la Bible comme étant digne. Alors, lorsque c'était la vacance, la femme l'avait dit, oh, il a donné tous les charbons, donné. Il a dit que, pendant des comme ça, il s'est forcé, il a rendu grâce à Dieu parce qu'il a identifié. Sans qu'elle ne sache qu'elle est déjà mariée. Alors maintenant, lorsqu'ils vont à la maison, ils racontent à la famille de la femme ce qui s'est passé. Écoutez très attentivement maintenant. Écoutez très attentivement. Lorsque Dieu a fait réussir à son voyage, on lui dit, ok, ben, fais encore passer ici, l'autre jour, encore autre dans le. Quand ils ont tourné, il n'y avait qu'une seule personne qui devait décider. On a dit que, appelons la jeune fille, c'est-à-dire la principale concernée, et demandons-lui. On lui a dit, Rebecca, mère, est-ce que tu vas partir avec cet homme? Oui! Écoutez encore ton entendement. Rebecca accepte un homme qu'elle n'a jamais vu physiquement. Pour dire, ce n'est pas parce que son nez échappe comme pour moi qu'elle a accepté. Que l'homme la parle bien, sa voix est mélancolique comme pour Molière. Ce n'est pas pour cela. Remarquez très attentivement. Il a accepté le mariage sans avoir vu physiquement. Le serviteur n'est pas venu avec la photo. Vous savez, quand les gars veulent se filmer, il passe coiffé. Là, il y a les cheveux blancs, il met le black là-dessus. Pour dire qu'il n'est pas vieux. Il sort un cerceau comme ça. Là, les anciens couchent. Sur la photo, il dit que voici sa photo. Vous savez, c'est pour cela que sur Internet, ça se passe ainsi. Il présente sa photo, il dit que, hey, montre-moi ta photo, vois. Elle cherche une belle photo de Jennifer Lopez. Elle prend la rosa, elle met. Ses reins sont comme ça, dit, waouh, tu es belle. Le jour, le blanc vient, ça dit, courant, ah, à cet instant-là, l'amour disparaît parce que ce n'est pas la photo qu'elle a vue. Maintenant, ici, Rebecca n'a pas vu Isaac en photo. N'est-ce pas, frère? Je vous pose la question. Sur quelle base acceptait-elle l'amour, le mariage? Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Donc, ici, vous voyez effectivement qu'il fallait que la jeune fille donne son OK. Quand la jeune fille a donné son OK, à cet instant-là, personne ne pourrait plus faire obstacle, même pas sa mère, même pas son père. Pas vrai? Elle devait déguerpir de là. Elle est partie, pas vrai? Elle partait vers un homme inconnu qu'elle ne connaît pas. Elle arrive là-bas le premier jour, on dit, là, l'homme aussi, quand elle a vu la femme, oh, vous parlez de l'homme parfait dans le plan parfait de Dieu, quand Dieu a dans son carquois comme ça. Quand elle a vu, à distance, elle est sortie dans le champ pour méditer, comme si le seul lieu de méditation, c'est là-bas. Il a vu le gars qui leva les yeux et vit de loin sa femme qui est venue comme ça avec les troupeaux là. Quand il l'a vu, elle aussi, elle a vu le loin. Elle dit que c'est qui là-bas? Le serviteur dit que c'est mon Seigneur. Elle a pris son voile, elle s'est voilée pour montrer la totale soumission à son autorité. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Elle chôle plutôt ça. Mets les fleurs sur ça pour dire que tu as vu, je suis artificiel. N'est-ce pas, mes chers? Le pasteur dit quoi? Que si tu veux continuer à te couvrir comme ça, on ne doit pas te voir. Quand Isaac l'a vu, il avait vu les Rasta, il avait vu les chiens qui sont, on avait teint comme pour son banane. Quand il l'a vu, elle s'est voilée. Quand elle s'est voilée, la Bible déclare que Isaac l'a pris à partir de ces jours-là. La marque d'autorité, c'est quoi? Il l'aima. Quand il l'a voilée, elle est voilée, mais il l'aima. Il l'aima quoi? Il n'a pas dit, tourne-toi voir. Je vois si c'est le modèle de mon goût. C'est pas ça. C'était la complétude. D'accord, frère? Savez-vous à quel âge s'est marié là, frère? Comment vous savez comme ça? Vous savez que vous avez étudié ça directement. Je dis que vous sortez comme ça à 40 ans. Ah, que Dieu vous bénisse. Donc à 40 ans, il était vierge, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, frère? Amen. 15 ans, quelqu'un me disait hier qu'il ne peut pas faire 2 mois sans ça, que c'est 2 semaines. Deuxième question, quelle est concrètement la différence entre un apôtre? Bon, je crois qu'il y a différence entre A et quand on dit apôtre, prophète, c'est différent. Est-ce que comme pour un prophète, un apôtre, c'est aussi depuis l'enfance qu'il est apôtre? Non. Nous lisons dans le livre de Galates chapitre 1, du verset 11 au verset 16, lorsque l'apôtre Paul donne son testimony, n'est-ce pas? Il dit, vous savez comment je me comportais dans le judaïsme, comment j'étais plus avancé que qu'aucune personne de mon âme. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de me révéler, son fils, vous voyez, ouais, n'est-ce pas? Il était apôtre, mais il ne savait pas. Depuis le premier, les apôtres Pierre et autres là-bas, Jean et autres, personne ne savait qu'il était apôtre. Il pêchait seulement. Mais les prophètes savent. Les prophètes savent que quelque chose ne va pas chez eux. Même s'ils ne savent pas qu'ils sont prophètes. Parce qu'ils vivent des choses que l'être humain normal ne vit pas. Vous saisissez ça, n'est-ce pas? Voilà, voilà la différence. Il est apôtre. L'autre, il est prophète. Tous sont des naissances, mais la conscience des ministères de l'apôtre vient lorsqu'il a l'appel. La conscience du prophète lui est donnée depuis sa naissance. Amen. Amen. Les questions? Comment tu fais la Bible? Si tu veux dire que c'est fini, frère? S'il n'y a plus de questions? Dans l'Ancien Testament, les sacrifices offrent des sacrifices. Oui. Mais par exemple, quand on fait des sacrifices, il offre des sacrifices. Oui. Par exemple, il y a Samuel qui offre des sacrifices. Oui. Il y a Balaam qui offre des. Quels sont ces sacrifices? En fait, tu as dit comment est-ce que quelqu'un s'est. Après, quelqu'un pourrait être habité à offrir des sacrifices. Oui. Oui. Non. Tous les prophètes, tous les sacrificateurs ne sont pas habilités dans l'Ancien Testament à offrir des sacrifices. Il faut qu'ils soient dans l'office. D'accord? Voilà. Mais attention, frère, il faut qu'ils soient dans un, dans l'office. Deux, il y a un lieu pour cela. Donc, c'est le sacrifice pour le peuple. Tu vas remarquer effectivement que dans, lorsque c'est les prophètes qui offrent, il y a un problème toujours. Il y a des moments, c'est le roi qui offre. Le cas de David. Lorsque David a eu à faire le dénombrement. Vous vous souvenez cela dans cet événement-là, où il allait offrir des sacrifices d'abord pour que la plaie puisse cesser. Il y a un problème. Vous voyez là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le cadre où les sacrificateurs offrent des sacrifices pour le péché, c'est dans le cadre des rituels cultuels. Donc, c'est dans le cadre du culte. C'est quelque chose qui doit être règlement fait pour annoncer quelque chose. Alors que les autres que les prophètes et le roi offrent, c'est pour résoudre un problème d'ordre ponctuel. Ce n'est pas dans le même cadre par rapport au péché dont on parle là. Donc, dont le Seigneur Jésus est censé être annoncé comme étant celui qui doit l'expier. D'accord, frère? Ça va? Oui. J'ai une question concernant le baptême. Oui. Quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il y a aussi le baptême en la mort du Seigneur Jésus. Je lis aussi certains passages où on parle du baptême en la mort du Seigneur Jésus. Je veux savoir pourquoi il s'agit. Tu sais pas quoi peut-être baptisé comme ça, hein? Je voudrais d'abord savoir de quoi il s'agit. Non, il dit, bon, tu n'as pas encore été baptisé comme ça, en sa mort. Oui, je sais pas si c'est le baptême d'eau. Ouais. Ou bien c'est parce que c'est le baptême qui consiste, comme je disais, c'est mort à la croix. Il est mort à la croix, ça fait quoi? Ça fait que j'ai le baptême. Puisque dans Marc, chapitre 10, il avait dit que pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il va mourir. Ok. Et dans cette, la question qu'il a posée, quelle était la réponse? Oui, vous le pouvez. Donc, et ils l'ont fait, n'est-ce pas? Oui, frère. Mais ça veut dire que tu peux aussi le faire. Exactement. Et en fait, que tu l'as fait. C'est pas ça, hein? Romains chapitre 6. Il me regarde comme ça. Hein? En fait, il y a comme problème, chacun avait fermé la Bible pour dire que c'est fini. Donc, je crois qu'il n'a pas voulu laisser, alors il n'a pas regardé pour longtemps. Parce que je voulais, si Dieu permettait, qu'il prenne 2 heures pour parler d'un sujet. Oui, Romains chapitre 6, lisons à partir du verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour tous. Oui. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Mmh. Ainsi, vous-même. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Oui. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc il y a un problème avec le fait qu'on soit mort en lui, n'est-ce pas? Maintenant, prends verset 4, tu t'arrêtes au verset 10. Verset 4 au verset 10. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est ça dont tu parlais, n'est-ce pas? Hmm? Oui. Continuons. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Mm-hmm. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, oui, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc si quelqu'un n'a pas participé à ce baptême-ci, il ne sera pas ressuscité pour appartenir à son peuple. Nous sommes d'accord. Amen. C'est le baptême de vos frères? Non, frère. Oh, c'est quel est le baptême? Vraiment, c'est ça dont on parle là-bas? Non. Galates, ouvrez Galates. Vous êtes dans Galates chapitre 2. Galates le chapitre 2. Papa Tani, le verset 20, qu'est-ce que ça dit? J'ai été... J'ai été crucifié avec Christ. Qui parle? L'apôtre Paul. Quand vous lisez votre évangile, combien de personnes y avait-il à la croix? Trois. Donc, l'apôtre Paul était l'un des bandits là-bas, non? N'est-ce pas, frère? Non. Mais il dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas la bonne version. Non, ça veut dire que ton évangile, tu as dit qu'il y avait trois croix, et je dis que l'apôtre Paul était sur l'une des croix, tu as dit non. Le voilà, il dit qu'il a été crucifié avec Christ. Est-ce que Christ a été crucifié deux fois? Non. Donc ça veut dire que si tu lis dans la bonne version. Spirituellement comment? On crucifie spirituellement. On a crucifié Christ spirituellement ou même physiquement? Non, j'ai dit avec lui parce qu'on ne peut pas se multiplier en jouant son corps pour qu'on soit crucifié ensemble. Mais il dit que j'ai été. La crucifixion a lieu combien de fois? Une seule fois. Ok, dans l'image de la crucifixion, on voit combien de personnes à la croix? Le jour de la crucifixion, il y avait combien? Une personne. Il y avait trois personnes. Dans l'image. Il dit, dans l'image de la crucifixion, le jour où on crucifiait, quand les gens qui étaient en bas, ils voyaient combien de personnes suspendues? Non, trois. Trois. Donc l'apôtre Paul était l'un d'eux. C'est lui là qui a dit que qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas que il a bien fait. Et il a au moins fait du mal. Lui, c'est pour nous. Il dit, Seigneur, souviens-toi du jour du jugement. C'est pas lui qui a dit ça. Hein? C'est pas l'apôtre Paul. Mais il a dit ici que j'ai été crucifié avec Christ. Donc c'est lui, non, frère? Ok, donc ça veut dire qu'il y a deux crucifixions alors? Non. Bon, ok, l'apôtre Paul, dans ce cas, l'apôtre vous parle de quoi? Crucifixion spirituelle. Crucifixion spirituelle. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avoir l'esprit de Christ en lui. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la croix loin là-bas? Il regarde, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même donné pour moi. C'est pas ce qu'il a dit. Vas-y. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il veut dire quoi concrètement? Je suis en train de parler par rapport à Romains chapitre 6 et sur ta question par rapport au baptême en sa mort. Souvenez-vous de Romains chapitre 6, verset 4 à 10 là. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit clairement? Dans le cadre général. Puisque c'est lui qui dit ici dans Galates et dans Romains chapitre 6, il dit que si nous sommes plantés en conformité à sa mort, nous le serons aussi par sa résurrection. C'est pas ça. Hein? Donc ça veut dire qu'après avoir dit pour lui-même de façon individuelle, il parle de façon générale. Donc qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire, mon frère? Qu'est-ce qu'il veut dire? L'apôtre Paul, oui. Oui, l'apôtre Paul est en train de dire que avant que le Seigneur n'aille dans la tombe, oui. Avant qu'il n'aille dans la tombe, c'est. Il avait tout pris. Il avait pris tout ce qu'il avait, tout ce que nous avions comme péché. Oui. Il avait pris sur lui, oui, l'ensemble de nos péchés. Avec tous ces péchés-là, il est entré dans, oui, la tombe. Oui. Entre-temps, pendant qu'il était comme ça, là, parce que la tombe, avant la tombe, il faut qu'il crie là-bas. Oui, ok. Avant qu'il ne... n'aille à la tombe. Il avait déjà pris nos péchés, d'ailleurs, le jour où... à la nuit de la Pâque, oui, il avait pris sur lui, oui, l'ensemble de nos péchés, là, oui, à la nuit de la Pâque, oui. Après il a été crucifié, nous avons été crucifiés, c'est le problème là-bas, c'est à ce niveau, oui, c'est à ce niveau ce qu'il veut qu'on explique, oui. Quand tu expliques que nous avons été crucifiés, tu étais là le jour là, hein, quand il souffrait là-bas, est-ce que toi et moi nous sommes là? Justement, oui, j'étais là. Oui, attends d'abord, oui. Est-ce que j'étais là? Explique-moi comment tu étais là. Comment tu passes sur ça, tu as aussi dit que Christ a crucifié le péché. Oui. Le péché que tu fais. Donc tu étais le péché. Tu étais le péché. J'avais le péché en moi. Mais est-ce que tu étais là, déjà? Tu venais naître, non? Uh-huh. Il a fait cela, il y a ça plus à 2000 ans. Tu étais là. Oui, maintenant finalement il est troublé. Pourtant il a donné une bonne réponse, comme tout le monde a donné la bonne. C'est pour ça que la compréhension de la voix de Dieu est nécessaire dans ces choses-ci. Alors, voici l'apôtre Paul. Nous voici, l'apôtre Paul n'a pas vu jusque physiquement. Mais il dit qu'il a été crucifié. Donc ça veut dire qu'il a compris exactement ce que Christ faisait à la croix. Il a compris exactement ce qu'il faisait à la croix. Lorsque le Seigneur va à la croix, les gens qui sont sauvés se trouvent où? En lui. En lui. Donc pendant qu'il a dû mourir, il mourra avec qui? Avec tous les pécheurs. Avec tous les pécheurs, donc tous ceux-là qu'il est allé sauver, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si tu n'étais pas en lui, Ce que tu n'as pas sur ça, ça ne te concerne. Je ne suis pas dans ses membres. Voilà. Ce que tu n'as pas. Maintenant, quand il est mort, ça veut dire que le jour qu'il mourait, il mourait avec eux tous. Quand il ressuscite, il ressuscite avec eux tous. C'est ça l'apôtre Paul devait parler. D'accord? Bon, c'est compris, n'est-ce pas, frère? Des questions? Il est 8 heures, oui. Non, prenons prioritairement ici, oui. Tu avais dit qu'il y avait des questions. La question est au niveau de Simon, le magicien. Oui. La Bible nous fait comprendre que tous ces magiciens-là ont cru, ont reçu la parole. Ils ont brûlé les livres. Oui. On donnait à un chiffre d'argent. 50 000. Oui. Bon. Yes. La question que je vois est la suivante. Est-ce que ceux-là ont reçu le Saint-Esprit? Oui. Si oui, pourquoi l'apôtre Paul vient encore acheter? Vient pour acheter. Simon, le magicien, vient pour acheter. Bon, sûr. Bon, déjà, nous parlons de deux événements différents et à des différentes années. Oui. Tu as nous raconté les choses comme si c'était la même chose. Mais c'est deux événements, des lieux différents, des pays différents. Le premier, Simon le magicien, se trouve en Samarie. La Samarie, c'est le nord d'Israël. Dans 1 Samuel chapitre 11, dans 1 Roi chapitre 11, il y a eu scission après la mort de Salomon. 10 tribus du nord. La capitale Samarie avait 10 tribus. La capitale du sud avait pour capitale Jérusalem, 2 tribus. Il y avait donc les deux rois dans les pays d'Israël chaque fois. Donc, en étant Samarie, c'est la partie donc du nord. D'accord? Maintenant, dans le deuxième cas que tu as parlé, il s'agit de l'Asie, qui n'a rien à voir avec Israël. À l'Asie, donc ça veut dire que la Turquie, autre. L'événement se situe dans Actes chapitre 17, dans Actes chapitre 19, où tout le monde, des paroles du Seigneur, se grandissait au point où les gens qui avaient fait les arts de magie venaient à creuser au Seigneur, venaient faire brûler les montagnes de livres. Donc, on voit effectivement que c'est deux pays, deux continents différents. D'accord? C'est deux éléments différents. Donc, ceux qui ont cru ici, les magiciens ont cru, on dit que la parole du Seigneur grandissait, et le témoignage grandissait. Ici, un autre événement, c'est disjoint de cet événement-là. Et ce qu'on raconte ici pour des magiciens, Simon qui a cru, n'est pas la même chose là-bas. Parce qu'aucun témoignage d'autres groupes de magiciens ne dit qu'ils sont rentrés encore dans la magie ou bien ont eu des problèmes. Parce qu'on a dit que la parole de Dieu progressait là-bas dans la sainteté. Maintenant, ayant expliqué comme ça, repose la question maintenant facilement. De façon je voudrais que là, Simon le magicien. Oui. Hein? Oui. Avait-il cru? Lisons, quand on va lire, toi tu vas me répondre. Tu avais été baptisé. Non, lisons. Actes chapitre 8. Actes des apôtres chapitre 8. Madame, le pardon guérit les blessures. D'accord? Tu comprends? Ah, chapitre 8, oui. Oui. À haute voix, frère. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. À haute voix, frère, et de façon constante. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Souligne ça. Souligne ce que tu viens de lire. Simon lui-même cru. Ok. Maintenant, quelle est la question que tu m'as posée tout à l'heure? Ça va, mon frère, regarde-moi, tu me poses la question. Tu as dit que Simon avait fait. Tu me demandes quoi? Hein? Simon avait cru. C'est la question qui est bien posée. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Simon avait cru. Donc ça veut dire que la Bible a répondu à la question, non? Non, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez posé comme question. Que Simon, certes, il a été baptisé. Non, attends. La question que tu m'as posée, c'était quoi? La question qu'il a posée, n'est-ce pas? Oui. C'est que pourquoi est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Est-ce la question qu'il a posée ici? Est-ce que Simon a cru? C'est la question que tu as posée. Non, peut-être Donc tu as posé la question. Tu as dit, est-ce que Simon avait cru? C'est pour ça que j'étais amené là-bas. Okay. On dit Simon lui-même cru. Oui. Mm-hmm. Bon, maintenant la question que je veux poser est la suivante. Ici, il est baptisé, il a cru, il est baptisé. Oui. On parle comment tu fais qu'il. Est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Non. Non. Comment tu dis non? Tu me poses la question. Quand on croit le Saint-Esprit. Il avait cru, il avait été baptisé. Est-ce que ça veut dire qu'il est le Saint-Esprit? Parce qu'on est même une partie qui n'importe quoi. Non, ne t'inquiète pas. Vous voyez, maintenant on va arranger quelque chose. Donc, lorsqu'on croit, on est baptisé, on a le Saint-Esprit. Oui ou non? Pas forcément, non. Pas forcément. Pas forcément. Oui. Bon, dans ce cas, Simon avait le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire non parce que je n'étais pas là. Mais quand tu me posais la question, moi j'étais là. Hein? Quand j'ai lu la Bible. Donc tu me piégeais alors. C'est ce que tu dis que tu ne peux pas dire oui, tu ne peux pas dire non parce que tu n'étais pas là. Donc, moi je n'étais pas là. Tu veux que je suis ancien des âges? Alors. La question que tu poses, c'est est-ce que Simon avait le Saint-Esprit? Je dis non. Oui. Tu dis pourquoi? Le verset 12, lis. Je continue. Le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Oui. Continue. Simon. Simon lui-même crut. Simon lui-même crut. Oui. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Oui. Et il voyait avec étonnement. Donc voici le magicien que les gens voyaient en étant étonné, que lui-même était étonné maintenant. Oui. Continuons. Oui, étonnement, le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Mmh. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, il envoya Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Regarde-moi. Donc tu m'as posé la question. Est-ce que c'est moi qui vous avez dit non? Parce que la Bible dit qu'il n'avait pas. C'est ce qui est écrit, non, frère? Autre question? Okay. Autre question ici? Oui, prenons ici. Je vais poser une question dans Romains 14, verset 18. Oui. Et Galates 5, verset 22. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est lorsque je prends ces deux versets, je comprends que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je voulais poser la question si c'est effectivement ce que la Bible dit. Donc, les versets t'ont dit que c'est le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai compris. Qui est d'accord avec lui? Le Saint-Esprit. Je suis le royaume de Dieu. Toi, dis oui. Je suis d'accord avec lui. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le royaume de Dieu. Moi, tu l'as assuré que tu vas avoir. Donc, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oui. Paul Biya, c'est la présidence. Pardon? Paul Biya, c'est la présidence. Quand on parle de présidence, on voit qui on voit la présidence de Paul Biya, qu'on voit. Donc, Paul Biya, c'est la présidence. Donc, Paul Biya, c'est la présidence. Je peux dire oui. Et comme tu peux dire non, pourquoi? Non, ce n'est pas mal d'éduquer là. Il n'est pas rentré, il veut dire qu'avant c'était Moïse. Aujourd'hui, c'est plus Moïse. Donc, John, tu te retiens dire oui et tu peux dire non. Non, pourquoi? Dans quel cas tu peux dire non? Là, je suis troublé. À tous les coups, laisse-moi me troubler. Oui. Répentez-vous. Parce que le royaume. De Dieu est proche. C'est quoi? Il parle de quoi? Là. Repentance. Non. Quand il parle du royaume de Dieu, il parle de quoi? Le salut. Le salut. Bon. Jésus est roi. Où ça? Roi. Il est roi où? Au ciel. Oui. Il ne sera pas roi sur la terre. Bien n'est pas roi sur la terre. Il est aussi roi sur la terre. Quelle est donc la différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux? Non, c'est la question que je vous ai posée, non? Oui, question. Vous voulez me tourner comme ça pour qu'il réponde? La question parle d'un enseignement quand tu parlais en Côte d'Ivoire, ton frère a donné une expérience qu'il a vécue. Oui. Ayant fait un accident, il a vu, il se voyait là. Son corps était couché et il voyait encore son corps avec le même vêtement. Oui. Et pendant que tu essayais d'expliquer, pendant que tu expliquais le phénomène là, tu as dit, quand on n'a pas la révélation de ce qui se passe, il vaut mieux ne pas dire certaines choses. Amen. Et tu as pris un exemple qui m'a fait frémir, parce que depuis là, j'ai suivi quelques enseignements et qui ne savaient que me titiller, me titiller. Et quand j'ai suivi, là où tu disais, quand la Bible parle de ce que les gens rendront compte de ce qu'ils ont fait étant dans leur corps. Dans leur corps, oui. Prenons justement l'exemple là. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, puisque j'ai dit de plus en plus, dit, quand le consolateur sera là, il va vous conduire dans toute la vérité. Il témoignera de moi et vous témoignerez de moi. Quand j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus-Christ, moi je ne veux plus me permettre de me tenir devant des gens. Vous voyez que la deuxième fois, il a mis l'abordé, il faut comme ça, pour fuir, c'est ma responsabilité, non? C'est pas pour fuir. Comme ça, pour dire que quand mon frère, je viens voyager trop là, qui finit de voyager, il vient ici raconter, c'est toi qui raconte là. Ce n'est pas ça. Bon, papa, t'as oui. Donc, c'est en train de... J'étais en train de poser dans la question, là maintenant, et en entendant, justement, en entendant ces choses, j'ai dit, moi maintenant, n'ayant pas cette expérience là, quelle doit être mon attitude? Comme Apollos. Verset dans les Écritures, il expliquait ça. Il y a un autre volet justement parlant de, parlant justement de ces questions-là. Une fois, j'ai senti à mon cœur qu'il y avait des questionnements qui se posaient et puis, après, j'ai écouté certaines questions, on m'a posé une question. Méditant là-dessus, à la maison, je me suis senti poussé à venir à en parler cela pour clarifier certaines positions. Bon, ayant posé déjà le fondement, un temps, je suis allé à un niveau où ça a suscité des questionnements. Et les questions sont pas été soit qu'on avait quelques positions divergentes. Je suis rentré à la maison, je me suis mis à méditer là-dessus. Directement dans mon cœur, ce que je sentais, c'est que ce soir-là, je suis allé pratiquement au-delà. Quand les questions commençaient à venir, je suis allé au-delà du mandat pour lequel je suis venu. Dans ton cœur, tu savais que tu avais quelle position pour aller dire, dès le départ? Oui, j'ai eu une question qui m'a été posée par rapport au Saint-Esprit. Donc étant, j'ai d'abord senti et puis une question m'a été posée. Donc à la maison, je me suis mis à traiter un dossier que j'avais ramené de la maison. Après, je l'ai mis de côté. Donc la question là, c'est vrai que trottait dans mon esprit de plus en plus avec ampleur. Donc j'ai mis tout ça de côté. J'ai dit que bon voilà, puisque ce même jour-là, avec la personne avec qui je m'entretenais, j'ai donné des passages bibliques que je croyais pouvoir être suffisants pour convaincre. Donc il y avait encore comme la difficulté. Une fois, bon, j'ai d'abord rendu ça de côté, j'ai dit que bon, dans ce cas, je ne sais vraiment pas quoi faire, on va remettre ça à la grâce du Seigneur. Je suis resté à la maison pendant que comme il y avait un jour férié, j'étais enculé par le budget, j'avais ramené un dossier à la maison, je me suis mis à traiter. J'en avais deux. Après, j'ai mis l'autre, j'ai commencé, là, je n'ai pas pu finir, j'ai mis ça de côté. Donc j'ai commencé à prier, demander au Seigneur comment procéder dans ce cas-ci. Donc c'est là où j'ai été conduit à sur un certain nombre de passages en complément de ce que j'avais déjà expliqué, donné. Donc ayant justement, dans ce cas-là, je suis donc venu, j'ai même des difficultés à arriver ici, les matrices, c'est pas facile pour moi, sortant du bureau, de la 18h, les embouteillages qui sont à ces heures-là. Donc directement, venant justement pour clarifier et s'assurer des interrogations qui sont nées. Donc pendant que je suis, et puis justement, par rapport à ces interrogations-là, et puisqu'il y avait des points où on n'était pas, on ne s'accordait pas. Donc je suis rentré, déjà chemin faisant, il y a un des frères avec le cousin, qui a dit quelque chose qui m'a encore titillé. Il a dit quelque chose qui m'a encore titillé, disant qu'en réalité, pour pouvoir bien parler du Saint-Esprit, il faut être baptisé dans l'Esprit. Il dit que là tu n'as pas vraiment, il dit que là tu as raison. Donc je suis rentré à la maison. Ce dont je me suis, enfin ce qui revenait, c'est qu'en fait, le soir là, j'allais clairement dire qu'en fait, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et pour pouvoir, enfin, là-dessus, moi, justement, qu'il y a la différence entre ce baptême, le baptême d'eau là, et puis le baptême du Saint-Esprit, pour le reste là, et que le consolateur, quand va venir nous conduire vraiment dans toute la vérité, et puis je m'arrête là. C'était sûr que s'il y a des questionnements, je dis que bon, soit une autre personne qui est mieux habilitée, soit maintenant on attend que le consolateur lui-même vienne clarifier la situation dans notre cœur. Quel est le problème donc finalement? Le problème maintenant, c'est que, prenant en tant que conducteur, oui. Quand tu dis dans l'enseignement que s'il y a des choses, que si on n'a pas vraiment la révélation de, si on n'a pas la révélation de ça, vaudrait mieux en, si on n'a pas la révélation. Entre les approches un peu de. Je vais enfoncer dans le clou, non? Vous êtes dans le chapitre 1 de Actes des Apôtres. Regardez très attentivement maintenant et suivez ce qu'il en est. Vous avez ouvert, n'est-ce pas? Gardez le doigt là-dessus maintenant. Ouvrez Luc chapitre 24. Maintenant. Commençons dans Luc chapitre 24, verset 45. Allons-y ici. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils accomplissent. Non. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, comment faire pour comprendre les Écritures? Le Seigneur ouvre les Écritures. Donc, tu peux discuter sur les Écritures, discuter jusqu'à ce que tu discutes, c'est logique. Mais ce n'est pas quand même ça. Pas vrai? Continuons, c'est pas terminé. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez su ce qu'il a dit? Oui. Maintenant, au chapitre 1 des Actes, lisez le verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous pose une question, et vous me répondez par oui ou par non, d'accord? Mm-hmm. Peut-on? Où doit-on être témoin de Jésus sans le revêtement de la puissance? Non. Dans ce cas, je vous pose la question. D'où vient-il que le pasteur dit aux gens que quand vous avez cru, sortez pour aller évangéliser? Je crois qu'il ne cesse de dire ça chaque fois. Mm-hmm. Ah non, ton premier devoir en tant que chrétien, quand tu crois au Seigneur, va l'annoncer à quelqu'un. Tu peux annoncer quoi? Quel est le témoignage? Tu es témoin de quoi? Tu es témoin de quoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit venir authentifier le message de Dieu. Pas vrai? Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le langage qu'il nous dit ici, que la puissance viendra dans votre vie après que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure. D'accord? Il n'est pas de dire que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Ce n'est pas une force agissant, comme disaient mes amis avec le livre jaune. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, pendant que quand le Saint-Esprit vient sur vous, il accompagne votre vie avec la puissance. D'accord? Et alors, vous serez témoin. Donc, on n'est pas témoin sans être baptisé du Saint-Esprit. Parce que le témoignage doit être cru. Le témoignage doit être accompagné par des signes. N'est-ce pas, frère? Amen. Ok. Donc, doit-on parler du Seigneur Jésus-Christ sans avoir été ordonné à cela? Tu dis oui. Pardon? Tu dis oui. Par quel verset? Quand tu dis Luc 10. Oui. Quand il envoie 72. C'est lui qui a envoyé. Jésus qui a envoyé. Oui, il leur a donné le pouvoir. Il a redonné le pouvoir. C'est la même chose. Il donne le pouvoir. Oui. Après, il reprend encore, puis il leur redonne encore. Non, c'est pas cela. Suis attentivement. Dans cette dispensation, il est avec eux. Il est le Saint-Esprit. Il dit, lorsque j'étais avec eux, je l'ai gardé en ton nom. D'accord? Maintenant, il dit que attendez. Pourquoi il ne dit plus attendez? Il dit attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. C'est pour ça qu'il a dit que je quitte la scène, je ne vous laisserai pas ouvrir, je reviendrai à vous, je serai en vous. Il faut qu'il fasse ses preuves pour que ça puisse aller. D'accord? Donc, quand les disciples partaient, ce n'est pas eux qui faisaient l'œuvre, c'était lui qui faisait l'œuvre au travers d'eux. D'accord, mon cher? Ça, c'est l'autre dispensation. Dans l'expansion de l'Église, l'Église naissante naît avec le Saint-Esprit. Donc, c'est la période où l'Esprit, c'était la période où Père, il travaille sous forme de Père. La loi. La période où il vient marcher dans la tabernacle humaine. Là, c'est le Fils, pour être semblable au Fils. D'accord? La personne maintenant où il vient tabernacler à l'intérieur du corps des Fils, pour que les Fils soient semblables à l'image là. D'accord, mon cher? Alors, dans cette dispensation, dans cette période de travail, tu ne peux pas travailler dans son domaine sans être à l'intérieur. Et on y entre dans ce corps-là pour travailler par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons tous été abreuvés dans un seul pour former un seul corps. D'accord? Donc on entre dans le corps de Christ par le baptême là. Quand on parle de nouvelles naissances, naître de nouveau, l'écriture de l'attitude change. C'est ça? Nous sommes d'accord? Quelle attitude? C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple simple. Bon, tu étais peut-être un voleur. Hein? Oui. Par exemple, tu jouais par exemple au jeu au hasard. Oui. Oui. Bon, maintenant tu arrêtes. Oui. Pas de tes propres volontés. Oui. Mais tu ne sais pas comment c'est passé. Oui. Oui. Par exemple, tu faisais la pêche, par exemple, il te demande d'arrêter, tu arrêtes. Ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Pardon? Ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ce n'est pas le signe de la nouvelle naissance. Le changement des œuvres mortes dans vos vies n'est pas le signe de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des gens qui parlent de technique, arrêtent cela. Il y a des gens qui commencent à prendre le feu. Comme vous parlez que les gens font les techniques. Il y a des techniques. J'ai essayé parfois 6 mois d'arrêter la cigarette. Après, moi, je vais recommencer. Oui, il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui réussissent juste parce qu'ils ne fument plus. Ils sont dans le sport, ils font de la cigarette. Donc, en même temps. Ils ne fument plus. Parce que j'ai cru. Comment? Dès le moment que j'ai cru que toutes ces choses ont commencé. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas le signe de la nouvelle naissance. D'accord? C'est pas son. La Bible ne dit pas que ça, c'est le signe de la nouvelle naissance. Vous savez, un enfant naît dans le monde. Avant qu'il soit dans le monde, pour que vous voyez, pour qu'il touche son environnement, il était dans un autre monde. À l'intérieur, là-bas, il était dans le. Vous appelez cela le Pompéia l'eau là. Hein? À l'intérieur, là-bas, il y a une façon de manger, une façon de respirer. Vous prenez cet enfant, vous fendez le ventre d'une fois, vous mettez encore le corps, lui, quand il meurt dans cet instant-là. S'il leur arrive où il doit quitter cet endroit-là pour sortir, il ne sort pas, il meurt aussi. D'accord. Ouais, là, n'est-ce pas? Non, quand il sort automatiquement, quel est le signe maintenant qu'il est né? Bon, s'il ne pleut pas, il n'est pas né. Vous allez me tuer. Quel est le signe qu'il est né? Qu'il vit. Ça veut dire qu'il faut qu'il respire. S'il ne respire pas, on va faire tout pour essayer de le sauver, n'est-ce pas? C'est quoi cette respiration-là que les gens ont à la nouvelle naissance? Donc, vous voyez donc qu'on a du problème. Il y a l'œuvre extérieure que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un homme. Il y a l'œuvre intérieure qu'il fait. L'œuvre extérieure, c'est fait par la prédication. Tu peux écouter une prédication, ça change de situation. Si vous comprenez. J'étais quelque part tout à l'heure, il y a des jeunes filles dont les parents sont à l'étranger, ils ont envoyé. Depuis, ils ont appelé, ok, venez. Elles sont assises, elles étaient 4. Pendant qu'on est en train de parler, on parlait tel qu'on est en train de parler là. Subitement, la nuit est passée dans la salle. Il dit, bien, on était assis, j'étais sur la chaise comme ça, l'heure de la bière est en train de lire. Subitement, la nuit est passée dans la salle. Ça a saisi une là, pendant qu'on est en train de parler. Elle a commencé à crier. Oh, ne sens plus ma main, j'étais absolument là. Il dit, avant qu'elle vienne vers vous là. Mm-hmm. Pendant qu'on y est, c'était même l'occasion pour moi d'aller me laver. Quand ça les a pris là-bas, il pleurait là-bas, je suis allé me laver. C'est là, tranquillement. Le temps qu'il pleure là, il profite, je me lave, donc je ne sais pas comment ça faisait avec eux au salon. Moi-même, j'étais étonné. Qui en a fait cela, frère? Quand elle s'est levée là-bas, l'autre s'est levé là-bas. L'autre vient toucher sa main de l'autre. Qu'est-ce que cela a passé? Sa main s'est tordue vraiment comme ça, là, les pleurs. L'autre a commencé à pleurer de l'autre côté là-bas, comme ça. Ils sont mis à genoux là-bas. Moi-même, j'étais étonné de ce qui arrive parce qu'il leur a dit, lisez telle personne, on devait lire. J'ai constaté que quelque chose avait changé, l'atmosphère avait changé et que l'une était devenue bizarre. Il était en train de suivre pour voir ce qu'il en est. Je me suis levé, allé vers elle, il savait que ce n'était plus elle, quelque chose avait changé dans les circonstances. Alors je me tiens là-bas, je regarde, je dis ok, que celui qui a commencé l'œuvre là termine. J'ai profité juste d'aller me laver pour venir parce que je sais que c'est assez lumineux, ça va durer ici. Ça me laver en venant, j'étais à genoux en train de prier, je dis encore que qu'est-ce qui ne va pas ici. Il y a l'œuvre extérieure qui est faite par la prédication. D'accord? L'œuvre extérieure, c'est. Vous entendez? Lorsqu'il entendit ce discours, il eut le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit prend cette parole-là, il balance sur le cœur. Il balance sur le cœur. Quelqu'un entre bandit, il ressort non bandit. Sans qu'il ne sache pas pourquoi, comment. D'accord? Donc il y a une œuvre que Dieu fait à l'extérieur. Ce que nous sommes en train de parler, c'est l'habitation. Écoutez, pour que Dieu te donne son esprit, cela a été ordonné dès la fondation du monde qu'il te donnera. Si ce n'est pas, pas comme ça, même si tu es jeune, tu pries, tu fais n'importe quoi, tu essaies de respecter, pourquoi ça ne viendra pas du tout. C'est ce que la Bible nous révèle, n'est-ce pas mon cher frère? Voilà. Et donc maintenant, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un pain comme le pain qu'on distribue et puis le reste, les corbeaux restent. Parce que c'est la venue du Très-Haut pour habiter dans le corps. Et ça, c'est la marque déposée pour montrer que passeport pour l'éternité. Donc il ne donne pas ça n'importe comment. Quand il dit, ah non, quand on a cru le Saint-Esprit, vous allez regretter autrement. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. À mercredi, plaise à Dieu. Que Dieu vous bénisse.